Ok, bah on va y aller alors. Bah bienvenue à tout le monde. Donc pour la deuxième édition de ce débat du Discord sur la caserne. Donc bah merci déjà à tous les participants, auditeurs et participants qui nous font le plaisir et l'honneur de leur présence. Donc le débat, c'est traditionnalisme versus modernisme, ou inverse, comme vous voulez. Donc, bah, je vais laisser la parole à Alasso qui va bah, expliquer aussi un peu les règles, parce que voilà, on va vous rappeler quand même certaines règles pour que l'enregistrement s'effectue dans de bonnes conditions. Merci, merci Topal, merci à toutes et à tous, merci d'être venus. Vous êtes bien nombreux, alors je sais pas si on va pouvoir citer tous les noms, mais on s'y prendra peut-être plus tard. Bien, bah, effectivement, il y a quelques règles importantes à rappeler rapidement. Dans un premier temps, si vous êtes muté et que vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à le faire savoir. Mais en tout cas, restez en micro fermé si vous êtes là juste en tant que spectateur. Donc, on vous remercie. Évidemment, les règles qui découlent de la charte du serveur sont appliquées plus que jamais ce soir. Donc, je vous invite à faire attention à votre langage, au respect de la loi, évidemment, et à tenir le débat dans le plus de courtoisie possible pour que les choses se passent bien. Donc, voilà. Pour les règles et le cadre. À part ça, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, comme Topal l'a rappelé, le sujet du débat, c'est modernisme versus traditionalisme ou l'inverse. Mais en fait, ce débat, en fin de compte, il aurait pu porter d'autres noms. Ce qu'on fait en fait dans ce débat-là, c'est purement de la sociologie, en fait, je pense. C'est un petit peu, disons, l'étude de l'évolution à travers le temps des comportements dans notre société. Donc, voilà, ça va tourner beaucoup autour de la sociologie. Ah, excusez-moi, j'ai un petit problème de micro. Voilà. Donc, bah, écoutez, sans plus attendre, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un premier tour de table. Chacun votre tour, un petit peu nous donner votre vision, en fait, de ce qu'est à la fois le modernisme dans votre esprit et le traditionnalisme. Derrière. On va pouvoir creuser avec tout un tas d'autres questions liées, mais je pense que juste là, vite fait, pour s'échauffer un petit peu, on va mettre les pieds dans le plat directement avec des définitions, si vous voulez bien nous les donner. On va pas perdre de temps plus que ça. On va commencer avec Pyronir qui est là, si tu veux bien prendre la parole. Oui, alors pour moi, le traditionnalisme, c'est conserver les mœurs et les valeurs qui sont issues de notre groupe, pas de civilisation ou ethnique, on va dire, ou tribal, qui sont là depuis des années. Après, c'est le modernisme, après, oui. Le modernisme, pour moi, c'est justement, c'est prendre de nouvelles mœurs ou autres, mais qui n'ont pas encore été prises dans le passé. Donc c'est un genre de réforme pour moi. Merci, merci Pyronir. On a Gavroche ensuite. Alors la question est assez vaste, je ne sais pas pour trop par où commencer, mais je vais commencer par différencier le politique et le culturel. C'est-à-dire qu'au niveau traditionnalisme et modernisme, il y a tout ce qui est en rapport avec la culture, c'est-à-dire la culture du pays, les traditions catholiques. Et il y a également le modernisme qui peut un peu contrer cette culture, par exemple en interdisant les crèches ou avec la laïcité ou des choses comme ça. Mais il y a également la partie politique où là, dans le traditionalisme, on essaye plutôt d'avoir des lois qui sont cohérentes un peu avec nos traditions. Et le modernisme essaye plutôt de changer un peu cette vision des choses, d'adopter des nouvelles lois, des nouvelles visions, en bien comme en mal. Ça, on verra par la suite, je suppose. Bien, merci Gavroche. Alors, on a Fédor. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. Bah oui, pour la définition, je pense qu'on va tous un peu tomber d'accord. C'est le traditionnalisme stricto sensu, c'est perpétuer les modes de vie et la culture de ses ancêtres. Moi, je parlerai juste des ancêtres. Et le modernisme, c'est essayer de dépasser cette culture pour la transcender et faire une nouvelle société. Je pense que le vrai débat, c'est plus de savoir quel est le mode de fonctionnement qui pérennise une société et qui évite la décadence. Il y a plusieurs réponses selon le cadre civilisationnel, mais je pense qu'on parlera plutôt de l'Europe ou de la France. Donc voilà, je pense que le cadre du débat sera là. Après, peut-être que ça débordera. Bien. Merci Fédor. On a Fleurette. Oui, bonsoir tout le monde. Ben, un petit peu comme Gavroche et Fédor aussi également, je trouve le modernisme, c'est un peu tout ce qui est du ressort de l'expérience. On avance technologiquement, scientifiquement, en faisant des expériences. Et le traditionalisme, ben, c'est ce qu'on a retenu, ce qu'on a gardé. Bien, merci. Merci Fleurette. On a Comrade avec nous. Est-ce que tu nous entends ? Comrade. Comrade qui s'est absenté, j'espère qu'il reviendra. Martin, par la suite. Oui, bonsoir, merci. Merci pour l'invitation. Alors pour moi, le traditionalisme, c'est ce qui définit un peu la vision d'un peuple. Hein. C'est un peu l'artisanat, l'intellect, le développement qu'il a pu avoir dans les derniers siècles, les valeurs qui s'est reposées. Et le modernisme, pour moi, c'est vraiment la fuite avant et la création d'un nouveau monde, on n'a pas forcément à dire, et qui, moi, me fait un peu peur, quoi, parce que l'avancement, pour moi, on va plutôt vers le sombre que la lumière. Merci Martin. Dommage pour ta connexion, ça c'était un peu haché, mais on te remercie. C'est de voir si tu peux gérer. Ensuite, on a Sabiaril. Oui, bonsoir. Alors pour moi, c'est simple. Le modernisme, en fait, c'est ce qui aide à l'amélioration de la technique. Alors de la technique en général, ça peut être l'industrialisation, ça peut être des choses comme ça. Et le traditionnalisme, c'est ce qui nous guide, c'est un petit peu l'essence des peuples. On peut mettre le religieux dedans, on peut mettre tout ce qui est en rapport avec la culture, mais je pense que ce sont deux choses indissociables et qu'on peut même les faire travailler ensemble. D'accord, ah ben ça c'est plutôt intéressant. Ce sera un truc à aborder justement un peu plus tard. Ensuite, je crois qu'il ne reste pas. Ah pardon, Myrdine avant tout. Pardon, Myrdine. Oui, c'est pas grave, bonsoir. Je pense que dans la seule notion que j'ai pas vraiment entendu exprimer par rapport à ces deux principaux thèmes, c'est la notion d'aspect géographique, mais pas lié à l'identité d'un peuple ou d'un pays, mais plutôt lié aux revendications identitaires de ces derniers. Et le problème, c'est que ce qui oppose, pour ma part, enfin, ce que je pense, ce qui oppose le modernisme au traditionalisme, c'est que le modernisme se veut obligatoirement passer par une étape d'oubli de certaines valeurs pour arriver à en mettre en valeur certaines qui ne sont pas forcément les bonnes et qui peuvent justement détruire un peuple, surtout quand il est lié à une globalisation, une planétisation d'à peu près l'intégralité des populations qui en sont victimes. Merci à toi, Myrdine. Alors, on va juste retester avec Comrade si ça fonctionne cette fois-ci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend, Comrade. Tu peux y aller. D'accord. Donc, il y avait effectivement un petit souci. Écoutez, ouais, je ne sais plus qui avait dit que c'était un débat qui allait sûrement déborder. Je pense que c'est vrai. Parce que modernisme et traditionnalisme, ce sont des ismes. Et je trouve que c'est quand même différent de la modernité et de la tradition. Dans le sens où dans le modernisme, moi, j'entends une espèce d'adoration de tout ce qui est nouveau et de tout ce qui nie le passé, si vous voulez. Et dans le traditionalisme, j'entends personnellement une espèce d'adoration pas forcément fondée de tout ce qui est passé et une réfutation du nouveau. Donc voilà, je pense que c'est un débat qui va être intéressant. Merci à toi, camarade. Ben bon, on va pouvoir enfin laisser le mot à Tepa, si tu veux introduire un peu le sujet, selon toi. Bah, selon moi, voilà, c'est une question intéressante, traditionalisme versus modernisme. Est-ce qu'on peut les opposer, ou est-ce que l'un est l'évolution de l'autre? Est-ce que le modernisme n'est pas une évolution de la tradition? Ou alors, est-ce qu'il justement, il est contre la tradition? Ça, c'est plutôt une question que je pose, quoi, en fait. Bah, écoutez, de toute façon, effectivement, il va y avoir en fait énormément de questionnements autour de cette opposition, puisque comme tu dis, bah, en fait, finalement, c'est peut-être pas que une opposition. On lit et puis on entend partout en fait vraiment différentes approches de ce sujet-là. Donc à la fois on peut parler d'un espèce de radicalisme du modernisme, de radicalisme du traditionalisme. Il y a le mot, quand on entend le mot traditionalisme, il y a un terme qui peut revenir dans la voix des justement de ceux qu'on pourrait qualifier de modernistes, qui est celui de fondamentaliste, etc. On a ce débat, il peut se poser sur beaucoup de plans différents. Il y a un des plans, je dirais, majeurs, en tout cas sur lequel il se pose, c'est le plan religieux, puisque on peut pas, je pense, en tout cas, complètement délier en fait la question du traditionalisme avec celle de la religion, même si j'entends, je crois que c'est Fédor à l'instant qui parlait du rapport aux ancêtres, aux anciens, mais au final, est-ce que ce débat-là, il est pas centré autour de la question de la religion? C'est une question que je pose. Donc, si vous voulez réfuter ou confirmer, c'est comme si une vraie question qui se pose. Est-ce que vous pensez que ce débat, il est centré autour de la question de l'importance accordée à la religion entre, disons, ces deux camps, entre guillemets, de modernistes et de traditionalistes? Donc, on va peut-être repartir dans l'ordre, bah, peut-être Fédor, pour le coup. Pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que la religion, en fait, en Europe, dans la pensée classique... Attention, on t'entend, attention. Dans la pensée classique européenne, on a toujours appris, si tu veux, à raisonner à la fois avec la raison et à la fois avec la foi. C'est-à-dire qu'on a jamais dissocié les deux jusqu'à la Renaissance. Enfin, on l'a fait, mais l'école dominante, c'était raison et foi en même temps. C'est l'école hellénique, c'est l'école thomiste. Et le rapport à la religion, donc le rapport à la tradition et le rapport à la raison, donc on peut dire le rapport à la technique, étaient intimement liés. Et à la Renaissance, effectivement, on a commencé à détacher le rapport dialectique entre tradition et modernisme a pu s'installer. Mais le débat ne se centre pas, selon moi, autour de la religion, mais autour du rapport à la foi, en fait. C'est-à-dire qu'on peut très bien vivre dans une société qui est religieuse et traditionnelle et rentrer en décadence. C'est pas un problème, tu vois. Si tu as un rapport fondamentaliste à la religion, du moins en Europe, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'homme européen aussi a aussi besoin de ce rapport à la modernité, ce rapport à la technique, pour s'épanouir et avancer, parce qu'il a ce désir de conquête permanent. Ça a été aussi le cas dans la civilisation musulmane à un moment donné, où ils essayaient d'allier foi et raison, et ça a été d'ailleurs leur âge d'or avec Averroès et tout ça. Donc en fait, si tu veux, le rapport entre tradition et modernité, ce n'est dialectique que depuis la Renaissance. Avant, les philosophes se fatiguaient, si tu veux, à bien lier les deux dans leur raisonnement et à ne pas faire de séparation. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis qu'on a séparé, en fait, à la Renaissance, si tu veux, la civilisation européenne et française a commencé à prendre un chemin très différent. Et donc en séparant technique et foi, c'est vrai qu'on a accéléré le progrès technique, d'une façon considérable, mais on a aussi, on s'est aussi dirigé une société naturellement plus athée et moins pratiquante. Donc je fais pas de jugement de valeur, mais c'est pas nécessairement deux concepts qui s'opposent. Du moins, dans la pensée classique, ça ne s'oppose pas du tout. Au contraire, on apprend à raisonner avec les deux, tu veux, les deux concepts. Merci. Bah, écoute, je crois que c'est très intéressant, très important ce que tu dis en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pensent le contraire ou qui peuvent confirmer selon eux si c'est un débat qui tourne beaucoup ou essentiellement en fait autour du fait de la religion en fait? Alors selon moi, c'est pas vraiment la religion en elle-même, mais plutôt les valeurs véhiculées par cette religion. C'est-à-dire que la religion, c'est la croyance en certaines choses, mais tu peux ne pas avoir cette croyance, avoir une croyance totalement différente, cependant adhérer aux mêmes valeurs. Alors la confrontation entre le modernisme et le traditionnalisme, ça se fait selon moi plus au niveau des valeurs qu'au niveau des croyances. D'accord. Fleurette, peut-être ? Oui, toujours pareil, dans le même esprit, je dirais que la religion, c'est une partie de la tradition et ça pendant longtemps été le messager, quoi. On apprenait ce qu'on mangeait et comment on le mangeait en famille, en groupe, au travers de fêtes religieuses. Donc ça ponctuait la vie des gens. Donc forcément, c'était un vecteur de tradition. Mais le débat est plus large. La religion est une partie de la tradition, mais la tradition est plus large. Elle va au-delà de comment on fait le fromage, tout ça. Bien, bien, bien, merci. Peut-être Pironir, tu as envie de dire un mot ? Pour moi, la religion est une des composantes, mais elle n'est pas la composante essentielle. D'accord. Qui est-ce qui nous reste ? Peut-être Martin ? Merci. Alors, je profite pour saluer Nico Dulotte qui nous rejoint. Salut Nico. Non, c'est bon. Ouais, enfin moi je suis un peu d'accord avec tout le monde pour heurter personne, mais je sais pas, j'ai pris un peu le truc en cours, donc je sais pas exactement c'est quoi le centre du débat. Bah, écoute, est-ce que c'est la religion dans son ensemble ou est-ce que c'est la religion en interaction avec la vie sociale et citoyenne, on va dire? Je ne savais pas si c'était le sens du débat. Alors, à la fois, déjà, si tu peux simplement nous parler de ce que tu évoques, l'opposition, ou peut-être que ce n'en est pas une, entre modernisme et traditionalisme, et effectivement, savoir si, selon toi, c'est quelque chose qui est très, très centré autour de la religion, en fait, ou si ça dépasse ce cadre-là, et si ça le transcende de très loin, ou si c'est un peu lié, enfin bon. Un petit peu ton avis juste sur ce point-là, et puis après, on passera à autre chose après le petit tour. Ouais, je suis assez d'accord avec certaines choses qui ont été dites, qui sont des lieux communs, mais tout le monde est d'accord pour dire que le modernisme s'oppose à la tradition, puisque la tradition, ce serait le conservatisme, et le modernisme, ce serait le progressisme, donc toujours avancer, coûte que coûte. C'est sûr qu'en fait, ça rentre en conflit avec la religion, mais plutôt avec la spiritualité, parce que la religion, c'est un aspect de la spiritualité. Mais la spiritualité, je pense que tout un chacun en a besoin. Alors avec sa culture, avec sa civilisation, tout ça, il y a des variantes, bien sûr. Il y a des besoins différents, mais on a tous, je pense que tous les humains ont besoin de spiritualité. Donc ils se retrouvent après dans la religion, certains se retrouvent dans le dogme et même plus en avant, il y en a qui sont, on pourrait dire, des extrémistes. C'est sûr que ça posera toujours, et c'est sûr qu'on est dans une époque où le progressisme, donc le modernisme, est poussé en avant. On se sert de la religion comme étant un aspect rétrograde de la société, souvent, hein, c'est-à-dire que, bon, à part le judaïsme, qu'on ça nous amènerait un peu tard, mais on tente de taper sur l'islam et sur la chrétienté dans le monde occidental. Désolé, je lis un truc en même temps. Parce que je pense que c'est eux qui veulent conserver la tradition, hein, c'est eux qui, par la religion, donc par la spiritualité, mais surtout par la religion, le fait de se regrouper, essayent de conserver cette tradition, leur tradition, les différentes traditions, et donc le modernisme qui tendrait à être universaliste, tu vois, qui tendrait à essayer d'unir tout le monde à travers les frontières, les cultures, etc., les histoires. Lui, ça, pour lui, ce sont des oppositions, et historiquement, le christianisme a été combattu par le modernisme. C'est pas une question de la révolution ou pas, c'était toujours été comme ça. Et l'islam aujourd'hui, c'est parce que l'islam s'est inséré dans le monde occidental. Et c'est un sujet brûlant, puisque il y a des gens, on va dire certaines personnes pensent qu'il y a une sorte d'invasion, mais plus que migratoire, qui serait une invasion de la foi. C'est-à-dire qu'on essaierait de transformer le sol chrétien français, enfin ce qu'il en reste, en terre d'islam. Et d'autres qui penseraient qu'en fait l'islam ce serait qu'une religion qui pourrait s'adapter à ce qui reste encore une fois de christianisme, parce qu'il y a des valeurs justement qui sont assez concomitantes. Et dans l'absolu, certains catholiques et même certains athées ne voient pas n'estiment pas que l'islam soit conquérant. Et ce qui est vrai, parce qu'en fait, l'islam, je pense pas que ce soit une religion très homogène. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Mais surtout en Occident, elle a reçu le choc des civilisations à l'envers. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui sont issus de la tradition islamique, etc., même de la tradition du monde arabe, quand ils sont arrivés ici, ils se sont dit, j'ai plutôt intérêt à m'adapter si je veux progresser. Et ils l'ont vérifié. Et donc, il y en a beaucoup qui aujourd'hui, après plusieurs générations, sont très religieux, très spirituels, dans le cercle privé, mais qui s'interdisent et qui critiquent beaucoup les extrémistes de leur propre religion, parce que c'est, pour eux, c'est une mauvaise image. Et ça les délierait de l'universel et ça les lierait à l'extrémisme. Merci, Nico. Un truc que je retiens de ce que tu as dit, c'est que tu as soulevé un point, je pense qu'on va devoir aborder un moment, c'est l'aspect universaliste ou une espèce de vocation d'uniformisation qu'aurait le modernisme, en fait. Si je résume un peu, mais je pense que ça, là-dessus, on va y revenir. On a, donc, pour finir le tour, on a Myrdzin sur la question de la religion au centre ou pas de cette question entre le modernisme et le traditionnalisme. Par rapport à tout ça, le fait est que je vais mélanger un petit peu tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que je pense qu'à la fois, elles s'opposent, ces deux termes s'opposent, mais ils sont aussi indissociables. Et par rapport à la religion, ce qui est particulièrement intéressant dans le traditionalisme, c'est le culte. Et le culte n'est pas forcément religieux, on peut avoir un culte pour des valeurs, mais effectivement, quand on arrive à ce qu'a dit Nico Dulot, uniformisation de la société, on est obligé de perdre le culte de certaines valeurs. Et par rapport à ça, comment expliquer, on voit aujourd'hui que les deux sont indissociables, parce que même dans notre époque de plus en plus moderne, où les gens lambda se voient totalement accablés par, en étant athée ou agnostique, se voient totalement accablés par la technologie, recherchent une certaine spiritualité à travers des domaines tels que le yoga ou je ne sais quel nouveau, enfin pas nouveau, mais on peut voir ça sur Internet comme une mode un petit peu, ou comme une évolution des consciences. Tu fais pas référence un peu au New Age ? C'est pas un peu ça que tu... Je dirais pas jusque-là, parce que c'est pas parce qu'on ne comprend pas les choses, la spiritualité que ces gens recherchent, qu'il faut la catégoriser dans quelque chose de forcément nouveau. C'est peut-être que en fait l'être humain a besoin de spiritualité, mais rien que par exemple l'histoire du Père Noël, enfin je sais très bien que c'est ironique ce que je dis, mais on a besoin de ces petites lueurs d'espoir qui n'existent pas sur le papier, en fait. Ok, merci Myrdzin. On va redonner la parole à Comrade, s'il est toujours avec nous. On t'entend normalement, Comrade. Vous entendez ? Oui. Assez d'accord avec les derniers intervenants. Je pense pas qu'il y ait forcément une corrélation entre la tradition et la religion, même si c'est vrai que la religion en tant que telle, c'est vrai que c'est certainement ce qui incarne plus la tradition, dans le sens où ce qu'elle implique en termes de valeur, une espèce de notion de sacré qui est revendiquée par la religion, mais par rapport à ce qui vient d'être dit, ne serait-ce que sur le Père Noël, moi par exemple, je ne suis pas du tout quelqu'un de croyant. Je suis de culture chrétienne, comme ce pays, mais si vous voulez, fondamentalement, je pense que ça fait partie de la tradition de la France d'avoir des églises, d'avoir des crèches, mais aussi d'avoir. Ça ne sert à rien de donner une pièce aux enfants quand. D'une dent, mais la petite souris, voilà, c'est la tradition. Et ça fait partie des choses qu'on attribue au passé, dont on comme étant une espèce de socle civilisationnel et comment dire, social, qui permet de fondre une population dans un espèce de corpus de fondation, en fait, et de choses qu'on a à transmettre. Je vois pas forcément une corrélation stricte avec la religion. D'accord. Donc déjà on a fait un bon tour sur cette question. Est-ce que d'autres personnes, avant qu'on démarre vraiment, souhaitent ajouter quelque chose? Ouais. Vas-y, Sabiri. En fait, au niveau de la tradition et du modernisme, ce que je comprends pas, c'est que déjà tout le monde parle de la tradition comme étant une tradition, on va dire, quasiment totalement religieuse, alors qu'il y a quand même beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte, j'imagine. Après, je pense pas que le modernisme veuille écraser la religion, enfin le traditionalisme, oh là là, l'absus. C'est-à-dire que, en fait, je pense que ce sont deux entités qui vivent dans notre société. Le traditionalisme, surtout. Le modernisme n'essaie pas de gagner du terrain, mais c'est vrai que peut-être que les gens s'écartent plus du traditionnalisme pour aller vers le modernisme. Peut-être qu'il répond plus à une certaine attente des personnes. Donc, je pense que ces deux choses peuvent vivre ensemble sans pour autant s'écraser l'une l'autre, mais je peux comprendre que certaines personnes s'écartent des traditions pour le modernisme, mais et inversement. Merci à toi, Sabéril. Alors déjà, je relève que vous êtes plusieurs, visiblement, à considérer que les deux sont pas forcément dans une opposition extrême, en fait, et qui peut-être exister une espèce de duplicité, en fait, entre modernisme ou modernité et traditionnalisme ou tradition, en fait. Et te pas, est-ce que toi, c'est ta vision, ça, que les deux peuvent, en fait, un peu coexister? Moi, ouais, je pense qu'il y a une forme d'évolution de la tradition vers le modernisme. Parce que, par exemple, si on considère que la religion catholique fait partie de la tradition, on sait que la religion catholique, il y avait aussi d'autres formes de religion avant. Donc, est-ce que la religion catholique n'était pas moderne aussi au moment où elle s'est imposée contre les traditions qui étaient avant? C'est pour ça que, est-ce que la notion de tradition liée à la religion, bon, je peux le comprendre, mais est-ce que, voilà, pour le cas, par exemple, de la religion catholique, il y a bien eu des cultes et des religions qui ont précédé, et à ce moment-là, la religion catholique est donc un fruit du modernisme à l'ancienne qui est devenue la tradition. Est-ce que le modernisme ne devient pas une tradition, en fait, de fait, sur le temps? Est-ce qu'envoyer un texto pour le nouvel an à tes potes, c'est du traditionalisme ou du modernisme? Envoyer un texto pour quoi, tu dis? Envoyer un texto à tes potes pour le nouvel an. Bah écoute, ouais, c'est une question. Je sais pas, peut-être que certains veulent répondre. Si envoyer un texto pour le nouvel an, c'est une question de modernisme ou de traditionnalisme? Je veux bien répondre. Pour moi, ça reste du traditionnalisme, parce que c'est pas parce que tu as un outil moderne pour envoyer quelque chose qui se faisait depuis des années que c'est du modernisme. Donc là aussi, c'est intéressant, parce qu'il y aurait, en fin de compte, il y aurait peut-être des traditions modernes. Donc là, je ne sais pas si on est dans l'oxymore ou si, en fin de compte, ça confirme ce qu'un peu certains disent, c'est que simplement, ça peut coexister, en fait. Bon, alors, on va juste continuer pour vous préciser un petit peu la chose. Je rappelle que donc on est sur la caserne de Tepa, sur le serveur Discord, que ce débat est enregistré, qu'il a vocation à être publié Que vous êtes convié à, évidemment, à réagir, à participer à tout moment. Donc, je rappelle, en fait, le sujet, c'est modernisme versus traditionnalisme. Et qu'en fait, on fait, ce qu'on fait vraiment, en fait, je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais c'est vraiment purement de la sociologie, en fait. C'est juste retracer l'évolution des comportements dans notre société. Les questions, en fait, qu'on va se poser, en gros, c'est à quelles attaches, en fait, les gens accordent-ils plus ou moins d'importance? C'est-à-dire, en gros, sur quels aspects de la vie les gens posent leur curseur en priorité? Donc, dans quel ordre, en fait, de priorité les gens abordent leur vie? Est-ce que c'est plutôt sur le confort matériel, plutôt sur le confort spirituel? Qu'est-ce qui est le plus urgent, le plus important, en fait, pour les gens? Ou peut-être le plus pragmatique, ou peut-être le plus sensé? En fait, il y a aussi cette question de quel sens on donne à la vie à travers ce débat. Donc, il y a eu plein de sociologues, d'auteurs, etc. Pour nommer que les plus connus, je pense à Kant, plus récemment Max Weber. Enfin, c'est-à-dire que pour eux, en tout cas, ils présentent le modernisme, et c'est pour ça que je vous posais la question de la religion. Eux, ils présentent le modernisme comme la mort du religieux. En fait, la mort du religieux en tant que, je dirais, que régent de un petit peu tous les aspects de la société, puisque c'est un peu le cas. Je pense qu'on va revenir sur l'historique. Je crois que Fédor a un petit peu abordé deux, trois notions là-dessus. Mais eux, ils présentent ça vraiment, certains des sociologues qu'on pourrait qualifier de modernistes, et pas que des sociologues d'ailleurs, hein, il y a peut-être des hommes d'église et d'autres, dans d'autres domaines aussi. Mais si vous voulez, eux, ils présentent ça comme en fait la naissance d'une nouvelle forme de rationalité qui vise quoi ? L'optimisation, l'efficacité, etc. Mais qui vraiment marque un espèce de détachement de entre guillemets la mainmise un petit peu du religieux sur la société. Pourtant, chez les traditionalistes, pourtant, à côté de ça, en fait, le modernisme, ça a souvent un accent de péjoratif, en fait, un petit peu. Ça renvoie même, pour certains, à une forme de décadence, en fait, dans la société. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que, selon vous, en fait, le modernisme, et soyez francs, hein, n'hésitez pas hein, à prendre position là-dessus, est-ce que, pour vous, ça renvoie nécessairement à une notion péjorative de décadence ou pas? Donc voilà, on peut reprendre le fil. On va demander à Comrade ce qu'il en pense. C'est ce que j'ai... Est-ce que vous m'entendez ? Oui, vas-y, quand même. C'est ce que je disais au départ, c'est la notion de isme. Si vous voulez, moi, quelqu'un qui me dit je suis pour la modernité, ça sonne pas dans ma tête comme quelqu'un qui dirait je suis moderniste. Pour moi, le côté moderniste, c'est effectivement une espèce de foi démesurée dans l'idée que tout ce qui tranche avec la tradition sera forcément meilleur que la tradition. L'idée que le passé est forcément quelque chose de rance et qui est absolument dépassé. Donc, le modernisme, c'est vrai que moi aussi, il faut le prendre au prisme de l'époque qu'on est en train de vivre. Gens qui se disent modernistes et progressistes, je veux dire, je pense que peu de gens parmi les interlocuteurs vont nous dire le progrès ça craint, le progrès c'est mal. Je veux dire, le progrès c'est le fait qu'on ne meurt plus à 40 ans, on a un cancer, on peut quand même survivre un peu, voilà, il y a quand même des tas de choses positives dans le progrès, mais le progressisme c'est aussi ce que font et ce que défendent les gens qui se disent progressistes. Et il y a toujours cette notion de fondamentalisme des deux d'ailleurs, des traditionalistes fondamentalistes et des progressistes fondamentalistes qui vont dire voilà, aujourd'hui dire qu'il y a des hommes et des femmes, qu'il y a un genre et un autre genre en face et que c'est peut-être là que ça s'arrête, c'est censé être du traditionalisme. Et on a en face des progressistes qui veulent nous expliquer que à l'ordre du jour, mais très bientôt on aura des gens qui disent oui, moi c'est pas que je suis ni un homme ni une femme, ni les deux à la fois, mais personnellement je me sens hélicoptère écureuil. Donc c'est vrai que ça peut être assez rebutant. Peut également pousser des gens à se dire bon, maintenant moi je suis traditionaliste. comme le disait Depas, je pense qu'en fait la tradition, c'est ce qui était avant du modernisme. Ce que nous appelons le traditionnalisme, enfin ce que moi j'appellerais être la tradition, c'est le résultat de ce qui, il y a 100 ans, était de la tradition, mais aussi une modernisation de cette tradition. Merci, merci à toi, camarade. D'autres personnes là-dessus ? Ouais. Ok, Myrdine. Je pense qu'il y a forcément une histoire de décadence, parce que pour qu'il y ait une décadence, il faut se baser sur un point de vue. Si on se base sur le point de vue du traditionnalisme, le progrès vers le... Si, une notion de progrès, on peut employer. L'évolution vers le modernisme passe par une décadence des volontés des populations qui préfèrent le culte à l'évolution. Bien. D'autres personnes qui veulent réagir là-dessus ? Il y a forcément un référent, quoi. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Je suis un peu d'accord avec Comrade, c'est-à-dire que si on a un point de vue péjoratif sur le modernisme, c'est parce que certains mouvements politiques associent modernisme au progressisme, et lorsqu'ils essayent de faire passer une certaine loi, ils disent que c'est pour le progrès, c'est pour l'évolution. Ils utilisent des termes comme ça. Par ce fait, ils lavent un peu le cerveau de tous ceux qui gobent un peu ces termes. Et quand on parle de modernisme, y en a beaucoup qui pensent à mariage pour tous, à LGBT, machin, alors qu'on peut très bien penser le modernisme d'un point de vue beaucoup plus technologique, les avancées scientifiques, les découvertes, l'avancée de la médecine. D'accord. Alors, est-ce que à ce moment-là, on parle pas de modernité ? Parce que je crois que ce que Comrade soulève, c'est surtout le suffixe isme, en fait. Et quand on parle de isme et donc de modernisme, il y a derrière une espèce de volonté politique ou métapolitique. Enfin, est-ce que, et donc sur cette même question, j'invite d'autres personnes à réagir. Est-ce que dans le contexte de modernisme, il n'y a pas à mettre en parallèle la notion de décadence, d'avancée, enfin de fuite en avant, de la morale qui se détruit, etc. En fait. Moi, je veux bien répondre. Est soulevé par certains traditionnalistes, c'était Fédor, je crois. Vas-y. Comme je disais tout à l'heure, je pense que il peut pas y avoir les deux concepts qui cohabitent. Je sais pas qui disait ça tout à l'heure. Je crois que c'est Blaharil. Mais je pense pas que ça puisse être possible, parce qu'en fait, c'est une destruction de l'un. Enfin, l'un existe par la destruction de l'autre. Justement parce qu'on se rapproche, tu le disais, à l'assaut de la politique. Finalement, on peut rapprocher ça économiquement et politiquement à le conflit. On t'a perdu, Nico ? Soit on va dire plutôt moderniste, pour faire rapide, ou progressiste, ou conservateur, on se rapproche de ces idées politiques. Donc c'est très lié, et je pense que c'est aussi... un débat très actuel, parce que le modernisme, la critique du modernisme il y a 100 ans ou un peu plus, c'était le pape qui critiquait les écrits de certains qui remettaient en question la légitimité globale de la religion. Et on était en 1902 ou 3, donc c'était juste avant la séparation de l'Église et de l'État en France. Et ça a marché dans trois pays, cette polémique, c'était en Angleterre, en Italie et en France. Donc il y a des pays qui ont quand même résisté, pourtant ils sont sur la même ligne occidentale. Tu vois, l'Allemagne, par exemple, enfin le Saint-Empire germanique, ça a quand même résisté beaucoup plus longtemps, alors qu'après ils ont chuté beaucoup plus vite. Donc il y a une question politique aussi à inclure dans ça. C'est pas qu'une question de société entre la religion et la non-religion ou le modernisme, il me semble. Ouais, non, c'est intéressant ce que tu dis. D'autres personnes, Fleurette ? Ouais, je pense le modernisme, c'est la volonté politique de soutenir une idée sous le simple prétexte qu'elle est nouvelle. Et le traditionnalisme, c'est la volonté de prouver à ces gens-là que c'est une connerie. Et je pense que les deux sont complémentaires. Là, ce qu'on fait ce soir, essayer de mettre en place un débat construit sur un Discord organisé par machin, ce que tu veux, c'est une forme de modernisme. Pour nous, rien que passer du temps là ce soir devant un ordinateur pour discuter à un écran, c'est moderne. Expliquer ça à ma grand-mère, ça va être long. Et pour autant, peut-être que ça passera le filet du traditionalisme, que ce sera accepté parce que c'est pas complètement débile. Là, mais là, c'est franchement hyper intéressant en fait, parce que, enfin, a priori, on peut avoir une vision en fait sur ces deux, sur ces deux ismes, modernisme et traditionalisme, en les vraiment les opposant comme deux termes presque, bah, au moins en tout cas antagonistes. Alors qu'en fait, ce que certains d'entre vous disent, c'est que en fait tout ça c'est hyper évolutif en fait. C'est ce qui a été considéré comme moderniste est devenu tradition en fait. Et alors je sais pas si ce que tu dis en tout cas Fleurette, le fait qu'on utilise des outils matériels modernes, techniques, etc., issus d'avancées scientifiques, etc. Donc vraiment purement au cœur de la modernité. Je peux te couper pour citer un exemple. Vas-y Fleurette. Ouais, là c'est pour citer un exemple qu'on a tous à peu près connu ici. Dans les années 2000, il y a le téléphone qui est arrivé. C'était une nouveauté, hein. Il y avait encore beaucoup de gens en 2000, 2004, 2005, c'était leur premier téléphone qu'ils achetaient. Et à l'époque, c'était moderne d'envoyer des textos à tout le monde. Au début, on n'envoyait que des textos sur les bebop. Et derrière ce comportement-là, qui était un comportement que beaucoup jugeaient débile, hein, qu'est-ce que tu fais toute la journée sur ton téléphone, tu passes plus de temps à taper, ce que tu écris en une heure, on peut le dire en cinq minutes, enfin, il y a eu des millions d'arguments contre ça. Et du coup, derrière, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a gardé ? Traditionnellement, on envoie un texto pour le nouvel an à ses potes parce que c'est cool. Aujourd'hui, on peut même mettre des photos, une photo de ton cul, toi en train de faire l'hélicoptère en gif. Et par contre, traditionnellement, tu restes un enculé si tu largues ta copine par texto. Bah écoute, c'est très bien que t'aies parlé de cet exemple-là. Je propose pour un instant qu'on reste sur cet exemple-là. En fait, ce que t'évoques, c'est une espèce de modernité intégrée et acceptée, mais pourtant, chez des traditionalistes, je sais pas, qu'on pourrait qualifier comme fondamentalistes, ils pourraient te répondre que, écoute, avant, on allait frapper chez les gens, on allait taper à la porte, en fait. On allait toquer, et puis on n'avait pas de téléphone, on allait toquer, et limite, ce qu'ils aimeraient, c'est que peut-être qu'on revienne à ce genre de choses. Là, je sais pas si vous avez vu, il y a un ancien... Est-ce que les deux n'auraient pas raison? Il y a un ancien dirigeant de Facebook, apparemment, qui sort du bois pour dire voilà ce qu'on a fait. En gros, je caricature même pas, hein, c'est vraiment ces termes. Ce qu'on a fait, c'est de la merde. On a sciemment changé un petit peu le mode de fonctionnement de la société et ça aboutit à des dérives graves, etc. Enfin, j'espère que vous l'avez vu ce truc-là ou que certains l'ont vu pour pouvoir réagir dessus. Mais en gros, je veux bien aller. Écoutez, je passerai le lien. Et donc, c'est ce gars-là qui vient dire que, en fait, il considère en gros cette avancée-là comme lui-même qui y a participé, etc., comme quelque chose dont il savait que ça allait aboutir à des dérives. Après, est-ce que c'est prouvé ou pas que ça a vraiment abouti à des dérives? Je pense que certains auront des exemples. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on répondrait à des traditionalistes fondamentalistes qui diraient non, tout ça c'est de la merde, faut qu'on repasse un mode de vie plus traditionnel, etc. Est-ce qu'ils vivent dans une espèce d'hypocrisie en fait? Est-ce qu'aujourd'hui on est obligé en fait d'accepter tout ce que la modernité nous offre? Donc, voilà. Disons que de mon point de vue, les traditionnalistes fondamentaux qui sont un peu contre ces évolutions technologiques qui nous renferment sur soi pour envoyer des discussions virtuelles aux autres au lieu de les voir dans la réalité et plein d'autres exemples. Ils ont un peu raison, c'est vrai que c'était mieux, c'était plus convivial quand on allait chez les gens, quand on se regroupait dans la vraie vie, dans la vraie vie, dans la réalité. Mais là où ils ont tort, c'est que on peut pas retourner en arrière, la société peut pas revenir sur elle-même et redevenir exactement comme il y a 40 ans déjà pour faire un film, prendre tous les décors et faire tout comme si c'était il y a 40 ans, c'est extrêmement difficile. Alors pour faire ça dans la vraie vie, c'est impossible. Le modernisme est inévitable, la technologie avance. Ce qu'on peut, par contre, c'est choisir vers quel modernisme on se dirige et essayer de prendre celui qui est le plus bénéfique à la société. Attends, à l'assaut, je pense qu'il faudrait faire un point sémantique parce que En fait, il y a des nuances importantes quand même entre parler de, comme disait Comrade plus tôt, d'utiliser des ismes et d'utiliser des termes qui définissent un concept qui évolue. Par exemple, la modernité, c'est sûr, c'est un truc implacable. Je veux dire, la modernité, les choses se modernisent. Mais le modernisme, c'est la volonté de ne voir les choses qu'à travers la modernité. Donc c'est ça, c'est les ismes qu'il faut critiquer ou qu'il faut analyser, qui s'opposent, etc. Mais il ne faut pas non plus critiquer des concepts qui sont intrinsèques. C'est-à-dire, la modernité, c'est sûr, quelque chose évolue. Les moyens de communication, les moyens de travail, etc., ça évolue. Ça, c'est la modernité, ce n'est pas critiquable. C'est un peu comme quand on fait la grande différence qu'il y a entre mondialisation et mondialisme. Mmh. Oui, évidemment, c'est important. Je le notais d'ailleurs, mais évidemment. Après, juste, c'est la question que je pose, c'est, pour aller un peu plus loin, je vous laisse répondre tout de suite, c'est est-ce qu'il est possible véritablement de revenir en arrière sur une forme de modernité qui a été normalisée, en fait, qui a été acceptée? Est-ce qu'il est possible de revenir en arrière sur ce qu'est la finance aujourd'hui, le supermarché, l'administration, les grandes tours d'immeubles, enfin bon, tout ce qui un peu peut évoquer la modernité. Est-ce que c'est possible, mais est-ce que c'est souhaitable? Voilà. Ouais, en arrière, en avant, ça veut dire quoi? Après, c'est possible d'évoluer vers quelque chose de différent. Si ça s'est déjà passé, bah, du coup, c'est ce que tu appelles un retour en arrière, mais finalement, on évolue, ça change. Notre façon d'appréhender la famille, notre façon d'appréhender le... D'accord. Quelqu'un d'autre? Bah, je trouve très intéressant, surtout, bon, y a Alessie qui nous a mis des liens très intéressants. Bon, elle participe pas, mais elle participe à l'écrit, et c'est intéressant parce que... Oui, c'est ce qui vient d'être dit. Je pense que oui, la modernité, le modernisme, est-ce que le modernisme, c'est une volonté constante, en fait, de détruire la tradition passée pour aller vers autre chose? Est-ce que c'est ça, ce mouvement qu'on appellerait moderniste, c'est-à-dire une espèce d'idéologie, donc, comme le mondialisme, c'est-à-dire un mouvement porté, forcé, de destruction, en fait, du passé? Est-ce qu'on peut le définir comme ça? Ben ouais, un peu. Parce que justement, tu viens de le dire, c'est le modernisme, c'est la modernité en idéologie. Donc en fait, la personne qui est moderniste ou qui se définit comme moderniste, si elle l'est vraiment, ben elle tend à vouloir que tout se modernise. Et il y a des choses qui doivent rester, on ne change pas une équipe qui gagne. Il y a des choses, on les modernise pas forcément. Je ne sais pas si la mayonnaise au mixeur, c'est forcément nécessaire. Tu vois. Je prends un exemple à la con pour dire qu'il y a des choses qu'on peut faire de façon moderne ou non moderne. Il y a des choses qui doivent évoluer parce que c'est comme ça, la technique, les besoins humains. Il y a des choses qui doivent rester telles qu'elles sont parce que la tradition ne les a pas figées. Elle a trouvé la meilleure recette. Donc oui, le modernisme, c'est la modernité à tout prix. Donc forcément, ça détruit la tradition. Voilà, donc je pensais bien qu'à un moment, on avait vraiment adressé ce qu'était le modernisme et pas le confondre avec juste ce qu'offre la modernité. Il y a FTP, je crois, qui voulait intervenir. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je vois plus la notion de complémentarité entre l'un et l'autre. Moi, par exemple, pour moi... après avoir réfléchi un petit peu à tout ça, les traditions, en fait, ne sont que la résultante, ce ne sont qu'en fait que d'anciennes modernités qui ont été validées, en fait, dans un sens. Ce sont des choses qui, à un moment, ont été modernes, qui ont fini par être validées par une certaine communauté de population qui a fait que ça finit par devenir une tradition. Ça difficilement opposable, en fait. Oui, mais c'est de la modernité, c'est pas du modernisme. Leur opposition fait leur complémentarité, c'est pas, ils sont complémentaires, ils ont besoin d'être deux pour s'opposer. Alors, il y a deux personnes peut-être, avant que j'introduise juste une nouvelle, disons, enfin une façon de concrétiser un petit peu la question qu'on se pose. Selon moi, il n'existe pas qu'un seul modernisme qui lutte contre le seul traditionalisme qui existe. Il y a plusieurs formes de modernisme et certaines formes peuvent s'allier avec le traditionnel et d'autres sont totalement opposées. Mm-hmm. Topa, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais poser aussi la question. Parce que est-ce qu'on ne part pas aussi d'un postulat que forcément la tradition serait bonne et le modernisme mauvais? Est-ce qu'on y, on y met pas quand même une espèce de notion de valeur? Et je prendrais par exemple un exemple exprès un peu provocateur. Les Papous, par exemple, en Nouvelle-Guinée, qui étaient des cannibales et qui le sont encore dans certaines parties, très isolés, est-ce que, justement, au contact d'autres civilisations et qui les ont, on va dire, forcés à évoluer, donc à se moderniser et à abandonner leurs traditions? Et donc, est-ce que c'était une évolution nécessaire ou pas? Et à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi des bienfaits dans ce modernisme? Ça dépend. Est-ce que pour le peuple papou, que moi je connais pas, est-ce qu'on observe des bienfaits ou pas, en fait? L'espérance de vie a-t-elle augmenté? Leur qualité de vie a-t-elle augmenté? Je pose la question vraiment comme ça, puisque tu peux pas l'aborder. Je ne sais pas si effectivement il y a moins de morts en bas âge ou de grossesse qui débouche sur la mort de la maman, si les gens sont en meilleure santé, alors effectivement, dans ce cas-là, le modernisme est plus une bonne chose. Et si à la fois ça a permis que le peuple papou reste un peuple qui garde une identité papou, alors on peut considérer que c'est positif. Mais encore une fois, je ne sais pas du tout, je ne connais pas le sujet. Mais regarde, si on veut comparer avec quelque chose dont tout le monde a entendu au moins une fois parler, c'est les fameuses tribus d'Amazonie qui sont laissées non contactées pendant des années, on sait où elles sont. Puis un jour, on décide avec les moyens, la méthode adaptée, enfin on pense, rentrer en contact avec ces gens-là. Et on voit le résultat. En fait, c'est pas une question de savoir si les femmes vont mieux accoucher ou si on va les vacciner sur un truc pour lequel ils étaient malades. C'est la tradition, on parle de tradition et de modernisme. Donc si la tradition, elle disparaît complètement, les femmes peuvent accoucher dans un hôpital en regardant la télé et buvant du McDo, je ne sais pas si c'est un progrès. Tu vois ce que je veux dire? Quand on parle de tradition, c'est est-ce que la tradition, elle va perdurer parce que quand même, elle a eu une raison, une légitimité d'exister. Si tous les gens se ruent vers le modernisme parce que, par exemple, on les a soignés ou parce qu'on les a sauvés, etc., et ensuite ils deviennent des consommateurs et ils oublient leur tradition. Finalement, en termes de tradition, justement, cette modernité, elle a été plutôt destructrice, totalement même. Et la santé d'une personne, d'un individu, d'un groupe, d'une famille et même d'une génération, c'est pas une tradition. Il y a des traditions qui sont millénaires ou plurimillénaires. Donc si les gens, parce qu'ils se font soigner ou parce qu'ils font soigner leurs enfants, ils oublient des traditions comme ça, je sais pas si cette modernité qui est arrivée pour les sauver était vraiment bénéfique. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que je mettais des guillemets autour de mon intervention, dans le sens où je ne sais pas où on met le peuple papou vis-à-vis de ses propres traditions. Mais comment dire, c'est là où, si tu veux, c'est le fait d'avoir accès à une certaine modernité, à savoir de ne pas mourir pour la moindre maladie, n'implique pas forcément de transformer en centre commercial avec McDo, Zara, Ikea. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est là où après moi j'ai du mal à parler de modernisme et de traditionnalisme, parce que j'ai l'impression de parler de deux radicalités en fait. Et c'est vrai que si on parle de deux radicalités, le problème me semble assez inextricable en fait. Plus qui parlait de cette tradition des textos à Nouvel An, mais un traditionnaliste dira oui, mais ça, c'est la décadence capitaliste, mercantiliste, matérialiste, tu ferais mieux d'aller taper à la porte de ta grand-mère pour lui souhaiter bonne année. Oui, sauf que ta grand-mère, elle habite peut-être à 600 km et qu'on est dans un monde où on ne va pas pouvoir forcément réunir toutes les familles de façon à ce qu'on puisse faire les choses de façon traditionnelle. Et à côté de ça, je pense que personne n'a envie de mourir parce qu'il s'est coupé en allant à la chasse. Donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire. S'il s'agit de détruire par la modernité, donc par le modernisme, toutes les traditions et faire que les papous ressemblent à des Suédois ou à des Espagnols, c'est vrai que c'est tout à fait regrettable. Donc là c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on touche un point un peu sensible de la discussion. C'est en fait le modernisme, en fin de compte, si je vous entends bien, comporte des risques, en fait. Enfin, moderniste d'ailleurs, ou peut-être modernité. Et des risques pour qui ou pourquoi ? Pour des traditions pluriséculaires, plurimillénaires peut-être, qui apparaît quand même assez dommage, en fait. C'est peut-être même mal ou mauvais de laisser périr, en fait. Donc, il y a des risques dans le modernisme. Et justement, ça m'amène à la question un petit peu pour peut-être mieux un peu se rendre compte de peut-être pas cette opposition, mais de ces risques-là en tout cas. Est-ce que selon vous, il est meilleur en fait d'inventer, d'innover, de créer des nouvelles façons de penser et de faire dans tous les domaines, que ce soit en politique, en économie, et peut-être même dans le religieux ou le spirituel, ou est-ce qu'il est plus sain, entre guillemets, ou moins risqué de s'attarder plutôt sur des choses qui ont fonctionné dans le passé? Donc, c'est clairement des choses traditionnelles, puisqu'on quelque chose qui est de l'ordre de la tradition, on considère que c'est bien, que ça a marché, que ça marche, puisque ça perdure. Une tradition, ça s'inscrit dans le temps. Contrairement au modernisme, où je dirais c'est un peu plus éphémère, en fait, puisqu'on va parler de mode, de choses comme ça. Donc, est-ce que c'est plus sain de s'attarder sur des choses qui ont existé par le passé, qui ont fonctionné, et d'essayer justement de les répliquer, de les reproduire, pour minimiser les risques, en fait? Donc, est-ce qu'il y a une notion de risque déjà dans le modernisme? Ce sera important de le dire. Si oui, lesquels? Est-ce que dans le sens de la tradition, c'est pas plus sain, entre guillemets, parce que ça permet de justement peut-être minimiser les risques ou pas? Enfin, c'est quoi votre avis sur ça? Alors, pour répondre à cette question, je vais faire une petite synthèse avec ce qui a été dit un peu précédemment. C'est-à-dire qu'on a pris l'exemple du téléphone portable qui nous permettait d'envoyer des textos un peu à tout le monde. Ce qu'on a vu au niveau des faits, c'est que d'un certain point de vue, ça a été bénéfique. C'est-à-dire que ça permet de souhaiter joyeux Noël, machin, à des personnes qu'on ne voit pas parce qu'ils sont très loin. Mais d'un autre côté, ça a été négatif parce que il y a de plus en plus de personnes qui, au lieu d'aller voir leur voisin pour la réalité qui habite juste à côté, ils le souhaitent joyeux Noël ou bonne année ou ce qu'ils veulent par SMS. Donc il y a toujours quelque chose de négatif et de positif, peu importe les évolutions. Ok. N'hésitez pas à sauter sur le. En réalité, si tu veux, une société a un tenté, a des impératifs anthropologiques qui sont un peu toujours les mêmes, c'est se loger, se nourrir, se reproduire. Et le modernisme part du principe que quand tu optimises ce rapport avec l'énergie que tu dépenses, c'est-à-dire si tu n'as plus d'inquiétude vis-à-vis de la nourriture, de ton logement et de ta reproduction, ça suffit au bonheur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de quête spirituelle si ton bonheur est matériel, si tu as toutes les conditions matérielles pour survivre ou pour vivre mieux, tu vas naturellement aller vers la sagesse et vers le bonheur. Il part du principe que l'homme n'a pas besoin de moteur pour effectivement chercher sa spiritualité. Le traditionnalisme, ça pense l'inverse, c'est-à-dire qu'il pense que c'est dans l'action et dans la recherche de ces impératifs anthropologiques que on peut développer une spiritualité. Et c'est ça en fait le vrai débat, c'est qu'est-ce qui marche le mieux dans une société? Est-ce que c'est d'abord rechercher de quoi remplir son frigo et ensuite, une fois que tu n'as plus d'inquiétude matérielle, aller vers la spiritualité? Donc c'est séparer les deux. Ou est-ce que c'est allier les deux? Voilà, est-ce que ça rend plus efficace? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Qu'est-ce qui évite une société de périclité? Voilà, c'est ça pour moi la vraie question. D'accord. D'accord, Fedor. Alors à ce moment-là, pourquoi à un certain moment, comme toi-même tu le rappelais, en fait, peut-être à la Renaissance, d'autres placeront dans l'historique un peu plus tard ce point-là de divergence, en fait. Pourquoi dans certaines périodes de l'histoire, c'est vraiment érigé contre la religion, en fait. C'est-à-dire que le modernisme ou la nécessité ou l'envie ou la volonté, en fait, de moderniser les choses, etc., s'érige contre la religion. Tu comprends la question? C'est parce qu'en fait, en Europe, la religion catholique avait un rapport à la production et à la terre qui était ce qu'il était, mais qui fonctionnait plutôt bien. mais qui ne convenait pas à la classe, donc c'est pas la classe des nobles, mais la classe des bourgeois, c'est-à-dire ceux qui voulaient s'enrichir plus vite. Et donc, ouais, dépasser la religion, ce sont les derniers pans de résistance aussi. Ce sont les derniers pans traditionnalistes. En fait, les bourgeois voulaient s'enrichir plus vite avec des méthodes plus techniques. Et le catholicisme a toujours eu un rapport à la terre plutôt individualiste, enfin plutôt individuel, plutôt dans des cellules familiales restreintes. Et l'utilisation de la technique n'a pas toujours été le but en soi. Et ce qui s'est passé à la Révolution, et ensuite tout ce qui en a découlé jusqu'à l'ère industrielle, c'est qu'on a changé le rapport de la production, et qu'en fait, on n'a plus besoin du catholicisme. C'est ce qui a causé la... C'est d'ailleurs ce dont parle Luther dans la Réforme, c'est-à-dire qu'il dit le catholicisme tel qu'il est pratiqué maintenant nous emmerde, parce que nous, on veut s'enrichir. L'enrichissement personnel est important. Encore une fois, c'est pas un jeu de valeur, hein, c'est ce qui est dit dans la Réforme. Et donc, en fait, l'enrichissement personnel est devenu à la portée de beaucoup. Et du coup, on a laissé la spiritualité séparée de la recherche de nos besoins vitaux. Et c'est juste ça, en fait, le problème. C'est qu'en fait, dès qu'on sépare la recherche de nos besoins vitaux de la morale et de la tradition, ça crée ce dualisme. Mais ce dualisme n'a pas toujours été appliqué en Europe. C'est pendant toute la période du Moyen-Âge, tout ça, c'était ensemble. Et la guerre contre les religions, c'est en réalité des guerres d'universel. C'est-à-dire que le catholicisme, c'est un universel du pardon et du sacrifice, et le modernisme, c'est un universel de l'efficacité et du rendement, comme but en soi. Attends, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu sauté une étape, mais en fait, Fedor, t'as été un peu le seul à le mentionner, mais c'est la question de l'histoire, en fait, l'historique un petit peu. C'est en gros à quel moment on peut considérer qu'il y a une volonté moderniste, en fait, à travers l'histoire. Si vous avez des références les uns les autres, n'hésitez pas. Ben, au sein de l'Église, c'est le début du siècle dernier, avant la loi de 1905. En 1902, il y a un ouvrage de Loisy qui est sorti, qui a été vivement critiqué et qui a fait l'objet de motions du pape Pie X à l'époque. Donc c'est pour l'Église, en tout cas, c'est cette période qu'on parle de moderniste et de contre-moderniste. Donc c'est, disons, fin du 19e siècle à peu près, quoi. Début du 20e siècle. Début du 20e, ouais. Voilà. D'accord, donc effectivement, il y a cette référence-là. Bon, après, moi, j'ai lu tout à l'heure que Fédor, lui, tu disais que cette question elle a été même abordée au temps de la Grèce antique, quoi. Non, en fait, il n'y a jamais eu cette dualité, surtout chez les Grecs. Chez les Grecs, il n'y a pas cette dualité entre technique, modernité et tradition. Parce qu'ils ont toujours eu... Parce que pour un Grec, si tu veux, si ta société ne s'améliore plus, c'est que tu as de mauvaises traditions. Et donc, du coup, les Grecs, si tu veux, le progrès technique était très important chez eux. L'effort, le dépassement de soi-même et tout ça, ça faisait partie des traditions. C'était pas du tout en dualité. La tradition est tout à fait compatible avec une amélioration des conditions de vie et tout ça. C'était pas du tout opposé. En fait, ça n'a pas été opposé au Moyen-Âge non plus. Ça a commencé avec, en réalité, cette espèce de pensée moderne a commencé avec l'école de Salamanque, je crois que c'est 17e, où en fait, on a remplacé l'enseignement classique par un enseignement, on a changé d'enseignement, c'est-à-dire que c'est l'école de Salamanque qui a pris le relais, et donc un de ses éminents représentants, c'est Francisco Suarez, qui a dit, maintenant on va séparer la morale chrétienne du droit. C'est-à-dire que maintenant il va y avoir un droit naturel, un droit universel. Et ce droit universel, il va être applicable à tout le monde. Et donc, en fait, il a transformé le christianisme. En fait, c'était le précurseur des droits de l'homme. Et à ce moment-là, ça a préparé le terreau au modernisme. Parce que le modernisme, en fait, c'est un droit au bonheur matériel pour tous. Et c'est cette école-là qui a inventé ça. Et c'est ce qui a préparé la fin de la religion chrétienne en Europe. Parce qu'à partir du moment où tu expliques aux gens qu'il faut se restreindre sur les besoins matériels, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, en fait, tu perds en influence. C'est-à-dire que tu refuses de t'adapter aux réalités anthropologiques de ta civilisation. Et c'est ce qui explique que le catholicisme aujourd'hui est perçu comme ringard. Parce qu'en fait, il prône une espèce de... Enfin, peut-être plus maintenant, mais à un moment donné, il a prôné une espèce de décroissance. Et alors que les pontificaux se tapaient des putes au Vatican et tout ça. Donc en fait, c'est tout. C'est-à-dire que la tradition est tout à fait compatible avec l'amélioration des conditions de vie. Et dès qu'elle l'est plus, bah, les gens demandent un update, tu vois. Et s'il l'a pas, bah, on change de tradition, c'est tout. Alors, je rappelle aussi à ceux qui nous rejoignent, donc on est sur un débat entre le modernisme et le traditionnalisme, que c'est un débat enregistré qui sera publié sur YouTube, sur le Discord de la caserne de Tepa. Arlan Robotics, toi qui viens de nous rejoindre, tu prends le train en marche. Est-ce que tu as une vision bien à toi de cette opposition qui n'en est peut-être pas une entre modernisme et traditionnalisme ? Alors, on t'entend pas, Arlan. On va poursuivre. Ah, pardon, je disais, je ne sais pas encore quoi dire. D'accord, bah écoute, je te laisse prendre connaissance des arguments des uns des autres. Écoutez, toujours pour continuer. Il y a plusieurs questions qu'on va devoir se poser. En fait, il y en a tellement. Là, on était sur un petit peu l'historique. Bon, bah, je pense qu'il faudrait qu'on essaie un petit peu de se mettre d'accord sur à quand placer un petit peu le curseur du début de l'opposition, en fait, parce qu'il y en a une en fin de compte entre modernistes et traditionalistes. Et je pense que celle que mentionnait Nico Dulot, c'est à peu près un petit peu, je dirais, le début, en tout cas dans notre ère, dans ce qu'on peut se représenter, c'est à savoir le début du XXe siècle. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'il y a un événement au début du XXe siècle qui fait qu'il y a une vraie poussée un petit peu du modernisme. En fait, c'est la Première Guerre mondiale. Je pense qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, il y a un effet qui est celui de ne pas vouloir reproduire, en fait, ce qui a été fait par le passé, bon, bien que évidemment il y a la Deuxième Guerre mondiale plus tard. En fait, c'est un événement comme la Deuxième Guerre mondiale qui amène les gens de plus en plus à penser qu'en fait ce qui était avant, ce qui relève du passé, c'était mauvais, ça produit que des guerres, du sang, etc. Et une volonté de se dire qu'on veut plus vivre comme avant. En voyant à quoi ça a mené. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, qu'en gros, y a une volonté de plus en plus poussive à partir de cette période-là de vraiment couper de plus en plus les ponts, entre guillemets, avec le passé, les traditions, en fait. Il y a beaucoup de choses qui changent, en fait, à partir de ce moment-là, et pas seulement, et je pense que c'est une question aussi qu'on va aborder, mais pas seulement en politique ou, en société, quoique ça l'est aussi, mais il y a aussi cette question de l'art, par exemple. Il y a des moments aussi où on peut parler de modernisme dans l'art et traditionalisme. Écoutez, il y a plein de questions qui se rejoignent. On va continuer à faire un petit peu un tour et parler d'autres rapports là-dessus. Comrade, tu veux ajouter quelque chose ? Ouais, j'allais dire que j'étais assez d'accord avec toi et j'y pensais depuis tout à l'heure à propos de cette opposition entre le modernisme et le traditionnalisme, dont j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, le modernisme d'une espèce de plus-value d'estime dans l'opinion générale, quand bien même on utilise ce modernisme pour à peu près tout et n'importe quoi, et notamment pour faire avancer n'importe quelle idée. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un gouvernement veut faire des réformes, ils vont plus ou moins contraindre les gens à travailler plus pour être payés moins, pour avoir moins de droits. On nous explique très vite, et les journalistes sont tout à fait formés à cette école de pensée, que le monde bouge, qu'on n'est plus en 1950 et qu'il faut bouger avec le monde. Et je pense que Moi, je faisais partie du dernier débat, vous vous rappelez, on parlait de l'antiracisme et on en est revenu encore une fois à la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que il y a dans l'esprit de l'opinion publique l'idée que la tradition, c'est le passé et que le passé, c'est la douleur, que le passé, c'est la guerre, c'est la violence, c'est la barbarie. Et cette espèce de spectre vient hanter l'inconscient des gens en leur disant il faut forcément progresser parce que progresser ce sera forcément mieux, parce que c'est vrai qu'en 2017 on vit mieux qu'entre 39 et 45, mais quelque part cette espèce de d'impérium du progressisme du allô, vous m'entendez? Oui. Ouais, vas-y, Thomas, vas-y. Espèce de prévalence donc du progressisme et du modernisme permet de fermer en fait à peu près tous les débats en disant par exemple, je sais pas, si vous parlez du droit du travail, vous voulez défendre le droit du travail, vous êtes dans la rue pour ça, les journalistes vont dire regardez ces syndicats archaïques qui s'arc-boutent sur des combats recuits et cuits qui datent du Front populaire. Si vous voulez parler de l'Europe, on vous dit oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez revenir à la vieille Europe des nations, des barbelés, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir en arrière. Si vous voulez parler du nucléaire, on vous dit mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous éclairer à la bougie, vous voulez aller chasser le mammouth. Enfin, vous voyez, il y a en fait à cause de cette prédominance du modernisme dans l'esprit des gens, parce que le présent dans lequel nous vivons vaut mieux que le passé dans lequel nous vivions en 39-45, l'idée que tout ce qui nous est apporté comme idée pour le futur, à partir du moment où elle tranche avec le présent, est forcément un progrès. Mmh. Ouais, on peut continuer un petit peu là-dessus, ensuite j'aurai une question. Personne pour agir, Arlan, vas-y. Moi, je voulais dire que le modernisme et le traditionalisme ne sont pas du tout forcément deux choses qui s'opposent. Et que parfois, ça peut tout à fait aller de pair. Et je pourrais prendre l'exemple, par exemple, du Japon, où justement, quand ils ont fait leur révolution, les Japonais, en 1868, et ben finalement, ils ont été extrêmement modernistes, puisqu'ils ont réellement fait entrer leur pays vraiment dans la plus grande modernité, en allant piquer partout dans le monde toutes les dernières technologies, toutes les structures à la mode, notamment l'État-nation, même ils ont pris un peu les meilleurs côtés de chaque pays, et ils ont tout fait ça. Et en même temps de tout ça, en étant très moderniste, et ben ils ont aussi finalement inventé le traditionnalisme japonais. C'est là où ils ont inventé toutes les traditions japonaises qu'on connaît aujourd'hui. Le sumo, un peu plus tard même, et ils ont inventé le mariage à la japonaise. Enfin, donc finalement, ce japonais, tu sais, on dit toujours qu'il allie tradition et modernité, bah ils ont inventé un peu les deux en même temps. Mmh. Écoute, c'est un excellent exemple, en fait, celui du Japon. Parce que justement, en fait, moi, j'allais poser une question, je pourrais la poser à Tepa d'ailleurs, c'est une question un peu polémique, un petit peu, mais c'est... souvent, en fait, les gens associent, enfin, je dis les gens, c'est très vague, mais en gros, on associe la modernisation et occidentalisation. C'est un truc qu'on voit souvent revenir dans, surtout dans les pays du Sud, on peut dire, aux pays du tiers-monde, enfin voilà, les gens qui se prévalent un petit peu de tradition, etc. Ce qu'on entend, c'est que le modernisme ou la modernisation, ça a une connotation un petit peu, c'est lié un petit peu à l'occidentalisation. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est hypocrite de leur part de penser ça? Donc voilà, te passe, t'as envie de réagir là-dessus? Oh ouais, moi ça me paraît pas si fou justement qu'il y ait un lien entre la notion d'occidentalisation et de modernisation, parce que la civilisation occidentale, elle est particulièrement portée vers cette notion de progrès. Donc, alors que peut-être que ce n'est pas le cas de beaucoup de civilisations qui sont plutôt dans une espèce d'immuabilité, de choses qui ne bougent pas. Donc, il y a quelque chose, ouais, qui paraît assez vrai dans ce rapport-là. Il y a d'autres personnes qui réfutent ou qui valident ce type d'argument? Tu es assez d'accord avec ce que vient de dire Topa personnellement? Oui, moi je suis assez d'accord parce que justement on le voit bien justement avec le 18e siècle, avec les révolutions, on voit que c'est surtout l'Europe qui a les Occidentaux qui ont progressé le plus vite, en tout cas dans la modernité technologique. Alors qu'avant, c'était assez disparate dans le monde. Après, les pays reprenaient ce qui était fait ailleurs, mais c'était quand même assez disparate au niveau des progrès. Mmh. Allez-y, hein, je vous force pas la main. Bah, c'est pour ça que moi aussi, je voulais rajouter juste quelque chose, c'est que tout à l'heure, comme on a parlé de mondialisme et de mondialisation et donc de modernité et de modernisme, mais est-ce que l'un n'appelle pas et se nourrit pas de l'autre? Est-ce que finalement la mondialisation, on sait que c'est un phénomène qui a toujours existé, mais le phénomène, pourquoi il s'amplifie et pourquoi il devient si présent? Parce que justement la technologie va faire en sorte qu'on se rapproche et qu'on arrive à ce résultat-là, quoi. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la mondialisation peut-être mène au mondialisme. Et est-ce que c'est pas pareil justement avec la modernité qui mènera forcément au modernisme? Simplement. Comrade, tu veux dire quelque chose là-dessus? Je pense que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Tepa, c'est-à-dire que la mondialisation, la technologie influe énormément sur notre façon de comprendre ce qu'est le modernisme et le traditionnalisme. Je prends un exemple très simple et très court. Il y a quelques décennies, les femmes en France avaient moins de droits que les hommes. Elles ne pouvaient pas avoir de compte en banque, elles ne pouvaient pas... en gros, elles étaient des mineures sous tutelle de leurs hommes. Bon, ça fait très moderniste ce que je suis en train de dire, on est d'accord. Elles n'avaient pas le droit de vote, etc. Ce qui est devenu la tradition en France, c'est que les femmes, en gros, elles ont les mêmes droits que les hommes, elles votent, elles se baladent dans la rue, elles font ce qu'elles veulent, etc. Et la technologie, la mondialisation ont fait que ce qui constitue la tradition d'autres civilisations entre en confrontation ou en collision avec la tradition des pays occidentaux. Ce qui fait que aujourd'hui, on est dans une attitude où à la fois les droits, par exemple, des femmes dans certains endroits, dans certains pays occidentaux, du modernisme vis-à-vis des civilisations qui entrent dans ces pays, et à la fois du conservatisme ou du traditionalisme pour les gens qui défendent ces droits, alors qu'il y a 50 ans, c'était du modernisme de défendre ce qu'on défend aujourd'hui au nom du traditionnalisme. Donc tout ça bouge très vite, parce que en fait, ce qui constitue les traditions et les modernismes de pays qui sont normalement séparés, eh bien, entrent en confrontation, et ce qui est un traditionnalisme pour l'un est un modernisme pour l'autre. Alors, c'est hyper intéressant, comrade, puisque tu as évoqué rapidement, en fait, je m'arrête sur l'exemple que tu as donné, et qui est la question des femmes, un petit peu. C'est que aujourd'hui, il y a quelque chose qui est devenu presque de l'ordre de la tradition. Et je donne un autre exemple assez spécifique aussi là-dessus. C'est celui de la garde des enfants par la mère lors d'un divorce. Et je sais, pour avoir discuté avec plein de gens sur les réseaux, etc., que c'est quelque chose, pour beaucoup d'hommes, qui pose problème, en fait. Mais c'est devenu quasiment de l'ordre de la tradition, en fait. Mais est-ce que pour autant c'est juste ou pas? Donc c'est une vraie question, en fait, que beaucoup d'hommes, visiblement, en tout cas, ont l'air de critiquer. Moi, je ne vais pas forcément me prononcer, mais juste, est-ce que c'est une tradition, selon vous, oui ou non, déjà, et qui est juste ou non? Disons que les traditions, elles ne s'attardent pas sur le fait que quelque chose soit juste ou non. Une tradition, c'est une tradition. Ce n'est pas une loi, c'est pas quelque chose qui a tout un fondement scientifique et rationnel derrière. C'est un peu ça ce que je voulais dire, quoi. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi, Gavroche. Je pense qu'une tradition, c'est c'est pas quelque chose d'anticipé, de planifié, c'est quelque chose qui finit par s'installer de par la répétition de cette chose. Et pour en revenir par exemple à la garde parentale, je pense que oui, à l'époque, sur les dernières générations, pas la nouvelle, justement, on sent bien qu'il y a un changement, c'était devenu un petit peu la tradition. Moi, j'ai entendu parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de divorces ou de séparations où la question ne se posait même pas. L'homme partait et la femme gardait les enfants. Et ça allait très bien ça allait très bien aux deux parties. Aujourd'hui, on sent bien que c'est plus du tout le cas. Le sujet est beaucoup rediscuté. Et les pères revendiquent plus leur paternité à ce niveau-là. On sent qu'il y a eu un changement. Peut-être que justement cette tradition est en train de se briser. Là, on retombe sur le sujet de la modernité n'amène pas que du bien, elle amène aussi des trucs dégueulasses. C'est la tradition, ce sont des choix. On a la modernité nous a amené plein de trucs et on a fait des choix. À l'époque, là, pour revenir sur l'exemple des gamins, il n'y avait que le mari qui bossait à la maison. La femme, elle s'occupait du linge, de faire à manger, de tout ça. Le mec, en général, son boulot, c'était d'aller couper du bois ou d'aller soulever des briques à l'usine. Ou le soir, quand il rentrait, il ne pouvait pas s'occuper de 2, 3, 4, 5 gosses. C'était physiquement pas possible. Donc, par défaut, c'était la mère qui s'en occupait. Donc, du coup, quand on a inventé le divorce, bon, bah, les gamins, ils sont là avec celles qui s'en occupaient. C'était quand même plus pratique. Maintenant, un mec aux 35 heures, en rentrant à 5h30, 6h à la maison, il peut prendre 2h, 2h30 de sa vie pour s'occuper de ses gosses. Donc, il demande le droit de le faire. Il choisit de s'occuper de ses gosses. Et ce qui m'amène à penser que, justement, est-ce qu'à un moment donné, le modernisme peut, en modifiant la tradition, devenir lui-même une tradition? Par exemple, si on pense à la période de l'esclavage, c'était une tradition, on va dire, puisque personne ne se posait la question de le remettre en cause. Et à partir du moment où il y a eu des gens et des civilisations, et en particulier en Europe, qui l'ont remis en cause, aujourd'hui, il n'y aurait plus un seul. D'ailleurs, on le voit en Libye, on est choqué de ce qui se passe. Enfin, il y a des réactions beaucoup énormes par rapport à ce qui se passe, parce que justement, ça rompt avec la tradition qu'on a imposée, que justement l'esclavage doit être banni. Qu'est-ce que des fois, on peut pas se demander si la tradition aussi, n'est pas une évolution du propre de son modernisme, quoi. Ça, c'est assez clair. Si, mais en fait, avec ce sujet, on va vite fait, tu sais, dans le mode un peu inception, tu vois ce que je veux dire, entre modernisme et traditionnalisme, entre modernité et tradition. En fait, d'ailleurs, de tous les intervenants, quasiment, c'est ce qu'on ressent, c'est que il y a une espèce de presque de communion des deux qui évolue comme ça, comme une spirale en fait, où les deux se chassent un petit peu constamment. Enfin, je sais pas si vous avez le même ressenti. Mais en fin de compte, je ne sais pas si c'est ce qui va ressortir du débat, mais c'est que les deux ne sont pas forcément si éloignés que ça, en fait. C'est le mouvement perpétuel, c'est la vie. Ah, on retrouve ça avec les générations. Hein. Chaque génération, en gros, a ses codes. Elle reprend certains codes de l'ancienne génération, mais crée aussi ses propres codes. Donc on fait évoluer les traditions, quoi. On les met au goût de la modernité. Mais bon, il y a peut-être d'autres personnes qui veulent ajouter quelque chose. Bah, pour parler d'une évolution de la tradition qu'on peut voir très facilement, on peut prendre par exemple la fête de Noël qui est pour bientôt. Au début, c'était une fête un peu païenne qui fêtait, je crois, le solstice d'hiver. Ensuite, ça a été remanié en une fête chrétienne qui fête la naissance du Christ. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'athées qui continuent de fêter Noël d'un point de vue un peu consumériste, consommateur, où ils offrent des cadeaux à leurs enfants, ils vont au magasin, ils achètent plein de trucs, quoi. Alors là, on voit bien l'évolution d'une tradition à une seule et unique date, suivant les époques. Juste consumériste, aller passer le 25 avec mamie. Ouais, enfin, de ce point de vue, je voulais dire qu'il consomme beaucoup pour acheter des cadeaux à plein de gens, quoi. Là, dans tout ce qu'on a dit, enfin, je suis désolé, hein, mais j'ai l'impression, à vous entendre, qu'il n'y a quasiment aucune critique, une grosse critique en tout cas, à apporter au modernisme, en fait. Comme si, finalement, ça a l'air d'être juste une évolution qui ne nie pas totalement, comme on pourrait l'entendre, l'importance des traditions, etc. Et pourtant, le modernisme, on en a parlé, le suffixe « isme », etc., ça fait qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une volonté de nier, enfin de renier, de détruire même peut-être, en fait, ce qui pouvait faire dans d'anciens temps, en fait, une espèce de cohérence, de stabilité de la société, quelque chose à... Les traditions, c'est quelque chose auquel les gens apportaient beaucoup d'importance, en fait. Mais aujourd'hui, est-ce que ça se perd pas, tout ça avec... En fait, si tu veux, à l'assaut, il y a un dans l'énoncé du problème, il y a déjà c'est insoluble. Puisqu'en fait, vous partez du principe que la modernité, le modernisme et le traditionnisme s'opposent. Or, c'est pas du tout le cas. Et en fait, ça a été... Si tu veux, c'est une question piège pour quelqu'un de droite, parce que le mec de droite, il perd à cause de ça, en fait. C'est-à-dire qu'on lui oppose systématiquement l'argument que parce qu'il est de droite, il va faire régresser la société et il va obstruer l'accès au confort et à l'amélioration des conditions de vie par son traditionnalisme. Cette question est un pur piège, que c'est totalement faux, en fait. Si tu veux, la perpétuation des traditions a longtemps été un vecteur d'éducation et d'élévation sociale et d'amélioration des conditions de vie. C'est le cas aujourd'hui dans certaines zones du monde musulman où, en fait, perpétuer les traditions permet de s'élever socialement. Et en fait, en opposant les deux, ce que tu fais, c'est qu'en fait, c'est que tu clôt l'interlocuteur, enfin tu amènes le mec de droite sur le terrain perdant, en fait. En fait, il n'y a pas d'opposition entre tradition et modernité, parce que la tradition est anthropologiquement ce qui pérennise une société et ce qui l'améliore. Parce que si elle le fait plus, elle disparaît. C'est tout simple que ça. Et donc, toute la problématique, c'est notamment ce qu'a réussi à faire Trump, c'est allier la perpétuation de sa société et de son identité et de son homogénéité ethnique et culturelle avec la modernité. Et c'est pour ça que Trump, il a gagné. Parce qu'il n'a pas dit, ouais, on va revenir au champ, on va revenir au fuel et tout ça. Il a dit, moi, je vais vous faire progresser dans vos conditions de vie, je vais vous apporter le bonheur matériel et vous garderez votre identité et vos traditions. Et c'est un discours qui gagne. Et c'est le seul qui gagne. Parce que le discours, si tu veux, un peu traditionnel pur, comme on peut l'entendre chez les cathos tradis ou chez certains nostalgiques, je sais pas, d'autres époques, il est perdant. Parce qu'en fait, il ne propose pas l'alternative confort et amélioration des conditions de vie. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Fedor, pour ton intervention. Avant de laisser la parole à Comrade, je vais juste... préciser que là, en fait, finalement, ce qu'on a peut-être encore pour l'instant manqué de faire, c'est de s'attarder aussi sur le traditionalisme. Parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de modernisme, et justement, il y a peut-être besoin de relever un petit peu l'image un petit peu de ce que peut être le traditionalisme ou la tradition, puisque comme tu le dis, c'est très souvent connoté à une espèce de volonté de régresser, en fait, ou de pas vouloir progresser, de pas vouloir avancer dans le confort, etc. Donc quelque chose, en fait, qui a une image très négative, en fait. Donc, c'est peut-être ça qu'on n'a pas encore fait. Il serait bon à un moment de parler de traditionnalisme, gros lapsus, justement, qui est associé beaucoup au fondamentalisme. Alors peut-être Comrade là-dessus. En fait, tu nous faisais remarquer que dans nos échanges, il y avait assez peu d'hostilité vis-à-vis du modernisme. Je pense qu'on a tous, voulu être nuancés, et je pense qu'on a tous, enfin, après, non, je peux pas dire je pense qu'on a tous, mais moi, personnellement, j'ai eu l'impression que tout le monde parlait, en fait, de modernisme en entendant modernité et en ne voulant pas prendre en compte le fanatisme qu'il peut y avoir dans le modernisme. J'ai déjà parlé de Jacques Attali la dernière fois, j'en suis vraiment désolé, mais quand on entend des conférenciers nous expliquer que bientôt il sera possible, on peut imaginer que le cerveau humain soit couplé avec avec un processeur qui lui permette d'apprendre à parler l'anglais en 20 minutes de téléchargement, là effectivement il y a véritablement de quoi péter un plomb totalement. Il y a dans le modernisme, si on le prend comme un fanatisme, quelque chose de totalement effrayant, qui entend dire que tout ce qui relève du passé est quelque chose qui est forcément moins valable que ce qui relèvera du futur, et ça peut être utilisé pour nous fournir à peu près nous fourguer n'importe quelle idéologie stupide, n'importe quelle technologie stupide, coupler l'intelligence artificielle avec les drones, par exemple. Moi, personnellement, ça, j'appellerais ça du modernisme, dire « Attendez, les gars, on peut le faire. Nous sommes en train de travailler sur des machines qui sont reproductibles, c'est-à-dire qui peuvent se reproduire elles-mêmes. Il y a véritablement des scientifiques qui travaillent là-dessus, qui travaillent à la fois sur l'intelligence artificielle et sur les drones, sachant que des drones peuvent être armés, sachant que n'importe quel être humain sur Terre peut être repéré grâce à son portable, et que tout cela, c'est moderne, donc on ne peut pas le réfuter, qu'il y a effectivement des tas de choses à dire à propos du modernisme. Le modernisme qui entend nous dire, écoutez, le fait de considérer que, bon, au bout d'un moment, soit t'es un homme, soit t'es une femme, soit tu te sens entre les deux, bon, c'est suffisant, sachant que la troisième option, c'est déjà vachement moderne, mais on va aller encore plus au-delà. Pour ceux qui, moi, je m'amuse à parcourir un petit peu les groupes de Social Justice Warrior, et je me rends compte que le modernisme a quand même rendu complètement fou, complètement cinglé. Et si on prend le modernisme fanatique dont peu d'entre nous ont parlé en ce moment, c'est une espèce de parenthèse vers le défini où tout est absolument possible et envisageable, où n'importe qui peut se projeter d'un futur totalement déconnecté de ce qui est possible ou pas. Enfin, je suis désolé, je pas très clair. Non, mais si, c'est très clair quand même. Mais juste pour poursuivre sur ce que toi et Fedor un petit peu disaient, à quel moment, en fait, la modernité peut être mise au service de la tradition, en fait ? Puisque visiblement, on a l'air d'admettre que ce ne sont pas forcément deux notions totalement antagonistes. Mais moi, j'aimerais savoir à quel moment ou quels exemples vous avez, en fait, de modernité mise au service de la tradition, en fait. Pour les fêtes de Noël, pour le nouvel an, pour dire aux gens que tu les aimes, tu leur envoies un texto à ceux qui ne sont pas là. D'accord. Une remarque intéressante sur le chat, encore, c'est Alessi qui nous dit oui, le suffixe fait la différence, parce qu'après tout, on parle de modernisme comme une idéologie, mais le traditionnalisme aussi peut être une idéologie, c'est-à-dire des gens qui resteraient à perpétuer justement une espèce de tradition. Alors, je suis en plus entièrement d'accord avec Fedor que la tradition et perpétuer la tradition, c'est ce qui va construire de toute façon ton identité. Mais est-ce qu'on peut, le traditionnalisme aussi, ce ne serait pas justement de rester coûte que coûte attaché justement à perpétuer un mode de vie ou des usages, etc., quand bien même ses propres usages peuvent mener aussi à la perte même de cette société, tu vois. Bah, en réalité, l'homme en Europe, il a créé le modernisme nous propose un nouveau défi, c'est-à-dire de prendre les choses dans l'autre sens. Maintenant, le modernisme nous a permis de nous affranchir de nos impératifs matériels et vitaux, et maintenant que notre frigo il est rempli, qu'on a accès à à plein d'infrastructures modernes, que nos conditions de vie sont relativement facilitées par rapport à ne serait-ce que 100, 150 ans. Maintenant, on a cru à un moment donné que, avoir les conditions matérielles serait suffisant au bonheur. On a dépassé ça, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus personne qui y croit, parce qu'il est évident que ça laisse un vide, et que ce vide, en fait, il faut réussir à le remplir sans avoir d'impératifs vitaux, ce qui était avant c'était entremêlé. Maintenant, on est libre d'aller vers ça, une spiritualité ou non. On est libre de s'adonner à des activités basses. On est libre, au contraire, d'aller vers de la lecture ou des activités enrichissantes. On a le champ libre. Et en fait, le nouveau défi de la modernité, c'est ça, c'est est-ce que nous, on va choisir de se répandre dans la décadence ou est-ce qu'on va choisir de s'élever, de s'édifier? À titre individuel, beaucoup choisissent de s'édifier. Est-ce que ça fait une masse critique significative pour éviter justement à la société de complètement devenir une espèce d'enfer matérialiste où tout le monde s'ignore, tout le monde est replié dans sa coquille? Moi, j'en suis pas sûr. Mais c'est un défi, de toute façon. C'est le défi de la modernité, c'est de réussir à faire l'effort avec son libre arbitre de se construire une véritable spiritualité collective. C'est pas gagné, hein. Et en fait, là, il y a un terme qui a été soulevé à la fois par Fedor, par Tepa, c'est celui de l'identité, en fait. Et c'est peut-être un des plus gros morceaux, en fait, du débat. Et alors, je précise à la fois pourquoi je chantais qu'il y avait il y a une espèce de, peut-être pas de manque, mais de retenue, en fait, vis-à-vis de ce que peuvent comporter comme risque le modernisme et la modernité ou la modernisation. C'est celui, en fait, de l'uniformisation, en fait, et du conformisme. Parce qu'en fait, le modernisme, ou la modernité, on pourrait même dire la modernité, ça apporte presque naturellement, presque de façon presque immuable, en fait, une espèce d'uniformisation du monde. Aujourd'hui, on pourrait presque parler, en fait, de culture moderne, qui est une culture unique, en fait. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le modernisme, il y a une espèce de volonté d'imposer une culture moderne, donc unique, qui s'oppose aux cultures au pluriel, donc aux cultures plurielles traditionnelles, et que en fait le modernisme marche sur la pluralité des cultures traditionnelles, et ça se voit dans plein de choses. Regardez les architectures, je sais pas si vous vous baladez ou si vous avez l'occasion de voyager, si vous voyagez dans n'importe quelle grande capitale aujourd'hui, je pense, sans exagérer, même à travers le monde entier, c'est pas limité à l'Occident, mais dans l'architecture, vous avez les mêmes buildings, vous avez les mêmes constructions dans toutes les grandes villes du monde. Dans les vêtements, vous avez les mêmes codes vestimentaires. Dans l'alimentation, vous avez également une espèce d'uniformité de peut-être pas des régimes alimentaires, mais en tout cas des junk food et compagnie. Et puis ça va même encore plus loin que ça. Je veux dire, aujourd'hui, on a de l'androgynie, on a l'uniformité entre les hommes et les femmes. Enfin, est-ce que c'est pas un énorme risque ou un énorme fléau, en fait, qu'apporte le modernisme, qui est celui de l'uniformisation, en fait? Alors FTP avant. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, la modernisation tend vers l'uniformisation. La question, c'est est-ce que ça a toujours été le cas, par contre? C'est une bonne question. Tout ce dont tu nous parles là, ce sont les conséquences d'un métissage favorisé par l'évolution technologique qui nous permet des échanges. Là, déjà, nous, ce soir, on étend le débat politique à quelque chose de plus large qu'un PMU. Il y a 50 ans, ce qu'on fait là ce soir, c'est passé dans un PMU. Du coup, forcément, tout s'uniformise. Attendez, dans l'ordre, on va avoir Gavroche et Comrade, vas-y. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une uniformisation de la culture parmi tous les pays, c'est-à-dire que de plus en plus, comme tu l'as dit, avec l'architecture, les vêtements, la culture, il y a tout est pareil, ça donne même carrément plus envie de voyager parce que tu sais que tu vas dans un autre pays, les gens vont parler une autre langue, mais tu vas voir les mêmes bâtiments, tu vas manger la même nourriture, à part si tu vas vraiment dans des restaurants traditionnels. Mais au niveau être humain, j'ai l'impression que justement là, on les unifie pas, ils sont perdus en fait. C'est très individualiste où chacun tel qu'il est peut vivre tranquillement dans la société, mais il y a plus de groupe, les gens ne s'assemblent plus pour justement autour d'une culture proche, et tout le monde reste seul et ils parlent avec leur SMS quoi. Donc uniformisation du monde entier, mais individualisation de chaque individu, c'est un peu ça ce que je ressens avec le mondialisme actuel. Mm-hmm. Alors, camarade. Ouais, je suis très d'accord avec ça. Là, on est vraiment en train de parler du avec ce gros isme que moi personnellement je souligne par rapport à ce qu'est la modernité, c'est que d'ailleurs on fait la jonction un petit peu avec le dernier débat qu'on a eu pour ceux qui l'ont entendu à propos de l'antiracisme, etc. C'est que le modernisme, il propose de considérer n'importe quelle nouvelle idée, nouveau mode de vie, nouveau mode de pensée qui sera proposé à chaque peuple comme quelque chose de préférable à ce qu'il y avait avant. Et ce qu'il y avait avant dans chaque pays, c'était la spécificité de chaque civilisation, de chaque culture, de chaque pays. Et c'est vrai que je pense qu'il y a dans le modernisme la possibilité de proposer à tous les pays à qui on le proposera quelque chose qui sera peut-être commun, mais qui sera, parce que dans l'idée du modernisme, l'idée du commun mondial est quelque chose de souhaitable et de désirable, la possibilité de proposer à chaque civilisation spécifique qui a sa propre identité, sa propre culture, sa propre spécificité, l'option quasiment impossible à refuser, d'opter pour un upgrade vers quelque chose qui soit commun et qui soit mondial. Je ne sais plus qui disait que la modernisation était comprise généralement comme l'occidentalisation. Je crois que c'était Tepa qui en avait parlé. Je pense que c'est assez vrai. Le truc, c'est que quand la modernisation qui est proposée dans les pays non occidentaux est effectivement un synonyme d'occidentalisation, c'est une semi-occidentalisation à court terme. C'est vrai que la modernisation qui est proposée est une sorte d'occidentalisation, sauf en Occident. C'est-à-dire qu'en Occident, cette modernisation est une proposition de futur souhaitable mondialisé. Il s'agit quelque part, avec la modernisation proposée à l'Occident, d'opter pour quelque chose qui est moins occidental, et de proposer dans les pays non occidentaux d'opter pour quelque chose qui est plus occidental et qui est de toute façon, dans les pays occidentaux comme non occidentaux, quelque chose qui est plus lointain, plus distancié par rapport aux cultures originelles. Et donc, effectivement, je pense que la modernisation, si on en parle comme d'un modernisme, va vers une uniformisation globale, avec toutes les implications de facilité commerciale et mercantile qui vont. Avant de redonner la parole à Fedor, peut-être pas, tu veux réagir ? Non, vas-y Fedor, vas-y, je trouve ça hyper intéressant, vas-y. Pour moi, la modernité ne s'oppose pas du tout à la conservation de l'identité, parce qu'en fait, cette problématique, elle est spécifiquement, encore une fois, européenne. Tu vas en Asie, tu vas au Moyen-Orient, tu vas dans plein de pays en voie de développement ou déjà développés, les identités sont conservées, et pourtant ils ont pleinement adopté le capitalisme sans aucun problème. Leur identité ne se dissout pas, ils savent très bien où ils en sont à ce niveau-là. C'est une problématique européenne, parce que l'Européen a toujours un rapport, si tu veux, particulier avec sa liberté et avec son rapport à l'autorité. Parce qu'en réalité, ce qui compte pour maintenir une identité et pour maintenir les traditions, c'est le rapport à l'autorité. Et ça, l'ennemi du rapport à l'autorité, c'est pas le modernisme, c'est l'égalitarisme. C'est deux choses différentes, et c'est deux choses qui ne sont pas appliquées dans tous les pays où la culture se maintient, justement l'identité se préserve, malgré l'émergence du capitalisme. Donc en fait, si tu veux, moi je parlerais vraiment, pour moi, la modernité ne pose aucun problème dans la conservation de l'identité à partir du moment où le peuple a encore conscience, se soumet encore à une autorité. Alors, dans les peuples du Moyen-Orient, ils se soumettent à une autorité religieuse. Dans les peuples asiatiques, c'est plus l'autorité patriarcale qui fait office de structure. Mais l'Européen a un rapport particulier à l'autorité. Et en fait, il va devoir c'est ça l'enjeu de l'identité, c'est retrouver une autorité à laquelle se soumettre. Et là, il est en train de la chercher, parce qu'il l'a perdue. Est-ce qu'elle serait catholique, est-ce qu'elle serait autre chose, je ne sais pas. Mais ça ne se, si tu veux, la modernité n'est pas un frein à ça. Puisqu'elle te laisse le temps, justement, et elle te laisse l'espace pour pouvoir essayer de te réconcilier avec, si tu veux, la hiérarchie naturelle et l'autorité. Encore faut-il faire le travail. C'est un travail qui n'est pas passif, c'est un travail actif. Et on ne peut pas savoir si, en fait, c'est, comme ça dépend entièrement du libre arbitre de chacun, on ne peut pas savoir si on va y parvenir ou non. Mais l'ennemi de l'identité n'est pas la modernité, c'est l'égalitarisme. Je suis pas sûr que l'occidental ou l'Occident ait un déficit de soumission à l'autorité qui lui permette de rester connecté à son identité et d'accepter la modernité. Tout en gardant des racines ou une connexion à son traditionnalisme, je veux dire, l'occidental a une soumission à l'autorité tout à fait efficace et efficiente qui fait que, enfin, je sais pas, mais les sociétés dans lesquelles nous vivons, je pense qu'aucun d'entre vous n'est tout à fait en accord avec raciste, du transgenre, hélicoptère écureuil, transdimensionnel, etc. Mais la société est en train d'évoluer comme ça aux États-Unis, elle évoluera comme ça en France, où avant de parler à quelqu'un, vous devrez lui demander quel est son prénom, il vous dira je m'appelle elle, je m'appelle il, je m'appelle yel, je m'appelle fel, je m'appelle pel, et on sera obligé d'accepter ça, alors que ça fera partie d'un modernisme qu'on peut tout à fait dissocier de ce que moi j'appelle la modernité, et c'est aussi un rapport à l'autorité qui nous obligera à accepter ça. Fleurette. Mais quelle autorité? Parce que je n'ai pas compris en fait. À l'autorité médiatique, à l'autorité étatique. Je veux dire, au Canada actuellement, il y a des lois qui font que si tu as affaire à quelqu'un qui a décidé que un gros barbu qui a décidé qu'il s'appelait elle, ou à quelqu'un qui a décidé que lui s'appelait Yel, ou que tu as affaire à quelqu'un qui a décidé qu'il s'appelait Yel le matin ou elle le soir, eh bien, tu peux avoir des problèmes avec la justice parce que ça peut être vécu comme une agression. Plus ou moins une agression verbale de n'avoir pas respecté son identité et la façon dont il se sent par rapport à la distance que lui il prend par rapport à ce que pas, toi tu en penses. C'est pas ce dont je parlais, genre. Mais c'est pas grave. Ça. Alors j'ai peut-être mal compris ton propos et dans ces cas-là je suis désolé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On va continuer avec Fleurette, on va continuer alors. Allez, vas-y, Fleurette. Sinon, pour rebondir sur ce que disait Fedor tout à l'heure, ce qu'il décrivait c'était l'évolution, faire des choix. Fait prendre ce qui est séparé le bon grain de livret dans ce que le modernisme nous propose. Merci. Bah, pour poursuivre, en fait, moi je tiens à dire que l'intervention de Fedor, en fait, depuis le début, en fait, est extrêmement intéressante à plusieurs titres. Donc, non content déjà d'avoir fait de très bonnes remarques sur l'historique, on aborde en fait le sujet de l'identité et celui de l'opposition du traditionnalisme à l'égalitarisme. Donc, mention spéciale pour Fedor. Mais ce que je tiens à souligner, donc il y a deux choses. Déjà, le rapport à l'identité, va falloir qu'on l'aborde sérieusement. Mais l'opposition à l'égalitarisme, entre traditionnalisme et égalitarisme, déjà, c'est quelque chose, c'est un débat, je ne sais pas s'il a vraiment cours en France, mais il a beaucoup lieu aux États-Unis. On oppose le traditionnalisme au marxisme culturel, à l'égalitarisme, en fait. Mais alors, pour revenir sur la question de l'identité, je note, n'empêche, qu'on n'a toujours pas vraiment dit comment mettre au service de la tradition, donc la tradition a priori qui sera un système pluriséculaire qui favorise la stabilité, l'ordre, la conservation de l'identité. On pourra opposer que c'est réactionnaire, conservateur, etc. Mais n'empêche, une société, comme tu l'as un petit peu évoqué, en parlant des sociétés en Asie ou ailleurs dans le monde, malgré le fait qu'elles aient plongé dans la modernité, etc., elles sont parvenues à conserver un petit peu leur identité, etc. Mais nous, en France, en fait, on n'a pas vraiment, pour le moment, mentionné en fait d'exemples de comment, à part oui, bah le petit truc anecdotique que Fleurette tu mentionnais sur le coup de téléphone pour Noël, bon, certes, mais au-delà de ça, je veux dire, dans un contexte beaucoup plus politique, national, etc., comment, il y a l'exemple de Trump qu'a mentionné Fedor, mais comment, en fait, parce que là, c'est la vraie question, en fait, et je vous le dis clairement, c'est la question qui est à poser aujourd'hui, pourquoi le milieu un petit peu, et je ne vais même pas aller jusqu'à identitaire ou extrême droite ou droitard, etc., mais pourquoi la droite, en fait, se fait autant tacler, en fait, de réactionnaires, etc. Pourquoi on n'arrive pas à intégrer la modernité dans le courant un peu plus, entre guillemets, un peu plus traditionnaliste, sans aller jusqu'au fondamentalisme, etc. Donc, je pense que ça, c'est la vraie question, parce que ça, forcément, ça rendrait cette tendance idéologique beaucoup plus cool, entre guillemets, puisque la modernité, c'est aussi associé au cool. Ok, donc quels sont les exemples? Bah, je... sans entrer dans le complotisme, on sent qu'aujourd'hui la modernisation est instrumentalisée aussi justement pour casser un peu ce traditionnalisme qui sert de repère pour beaucoup de gens. Pour justement, on rejoint notre point qu'on a évoqué tout à l'heure, pour justement essayer d'aboutir à des sociétés beaucoup plus malléables, beaucoup plus homogènes en fait. Et justement, on sent qu'on essaie de casser ces repères, tous ces repères tribaux. Regardez les derniers trucs en date, par exemple, la disparition de nos régions. On arrive sur des régionalisations beaucoup plus grosses. Alors, c'est pareil, c'est toujours au nom de la modernisation, parce que c'est censé être plus pratique, plus ceci, plus cela. Mais voilà, on perd toutes ces petites choses qui font que l'identité, tout simplement, et tous ces mouvements de droite, et notamment d'extrême droite, ça le remarque, justement. Ce sont des gens qui se qualifieront volontiers de patriotes, de nationalistes. Donc, ils vont essayer de combattre, justement, cette modernisation. Voilà, on reproche beaucoup à la droite de ne pas s'emparer de sujets importants, justement dans le camp des progressistes, de les abandonner totalement au camp des progressistes. Je mentionnerai juste l'écologie ou enfin d'autres choses. Mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce blocage-là? Vous pouvez prendre l'exemple de Philippot, peut-être qu'il essaye un peu, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, ou d'autres. Mais qui essaye de rendre un petit peu, de réintégrer un petit peu le mode de pensée traditionalisme au goût de la modernité un petit peu en fait. Mais quels autres exemples il y a en fait? Bah, le problème franco-français, si tu veux, c'est déjà le dogme qui est censé nous unifier tous, à savoir la République, qui n'est qu'un contenant vide, c'est-à-dire qui se base sur une déclaration qui te dit que tous les hommes naissent libres et égaux. Bon, ça laisse le champ libre à tout et n'importe quoi en fait, et c'est de l'égalitarisme pur. C'est pas le... Donc en fait, tu ne peux pas unifier un peuple sur cette base-là. Je crois que l'histoire l'a prouvé, et que on est là dans le chapitre final de la République. Donc c'est pas possible d'unifier un peuple avec la République française, en tout cas dans le sens franco-français. C'est possible dans d'autres sens. Ce mot a vraiment une infinie de sens, mais au sens franco-français, ce n'est pas possible. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la droite, elle échoue parce qu'en fait, elle se base en général sur ce contenant vide où on peut mettre tout et n'importe quoi, et donc ça ouvre les débats à tout et n'importe quoi, et donc il n'y a pas vraiment d'identité, puisqu'en fait, chacun met ce qu'il y veut, et encore une fois, c'est tout le monde pense être légitime à donner son avis, et tout le monde pense pouvoir, si tu veux, avoir sa pierre à l'édifice. Mais c'est le problème de la République, c'est que c'est un contenant, ce n'est pas un contenu, en fait. Et c'est la base de notre identité maintenant, et c'est ça qui cause notre, si tu veux, notre périclitation. Je sais pas si ça se dit, mais notre décadence, quoi, et notre chute. D'autres personnes sur la question de pourquoi la droite, en gros, parvient pas à s'emparer un petit peu de ces éléments un peu de modernisme et de modernité? Je dirais que c'est par certainement par lâcheté, hein, et par pas par fondamentalisme justement, non. Pas que c'est par fondamentalisme en fait, parce que après je sais pas, il y a l'autre là, comment il s'appelle, celui qui a pris la présidence des Républicains là. Vauquier, on sent bien au fond de lui qu'il aimerait bien passer pour le mec un petit peu traditionnaliste, un petit peu arc-bouté sur la France, etc. Mais je pense que c'est des gens qui sont quand même assez conscients du fait que l'opinion publique est formée par les médias, par la jet set, etc. À mon de dire qu'elle soit définie des idées progressistes, gauchistes. Je lis, je suis un ancien mec, bon, c'est pas extrêmement véhément ce que je lis, mais ce qui fonde l'opinion publique, et je pense que ce qui fonde l'opinion publique, c'est extrêmement bien, et enfin, c'est essentiellement la télévision, les médias, Yann Barthès, l'esprit Canal+, les gens qui s'expriment. Faut qu'ils ont qui leur tient à cœur aux Oscars, etc. Et je veux dire qu'en France comme aux États-Unis, ce sont les idées progressistes, et j'appuie sur le ciste et non pas les idées favorables au progrès, qui l'ont emporté. Et je pense que ces gens ont une trouille bleue, tout comme d'ailleurs Marine Le Pen ou même Florian Philippot, d'apparaître en porte-à-faux vis-à-vis de ce qui est maintenant la doxa. La doxa générale. Et la doxa générale, c'est si c'est progressiste, si ça tranche avec ce qui est cadré comme une passé, eh bien, c'est que c'est forcément quelque chose de positif. Et si vous vous y accrochez, vous êtes des réactionnaires, vous êtes des blaireaux, point barre. Il n'est pas question ici de défendre des opinions en argumentant. La seule question qui vaut dans les débats, je veux dire, écoutez les journalistes stars parler, la plupart du temps, ils vont opposer comme argument définitif et indiscutable à leurs interlocuteurs le fait que, oui, mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est ce qu'on disait il y a 20 ans. Et parce qu'on le disait il y a 20 ans, c'est stupide. Et parce que ce que je vous dis, c'est pas ce qu'on disait il y a 20 ans, c'est forcément beaucoup plus pertinent. Et voilà, ce sont des opportunistes. Les gens essayent de se débattre comme ils peuvent pour ménager la chèvre et les choux. Et c'est pour ça qu'ils ont des discours mous. C'est tout. Et moi, je voulais poser la question à Tepa, peut-être qui aurait envie de réagir sur pourquoi c'est réservé en fait à la gauche en fait ou aux progressistes, cette question de la modernité, etc. Pourquoi la droite n'arrive pas à s'emparer de ça? Historiquement, si on veut définir, on sait très bien que la notion de droite et de gauche, c'était issu de l'Assemblée nationale avec les monarchistes à droite et les républicains à gauche. Mais quand on pense à ces notions un peu plus profondément, on voit bien que justement la droite, ce serait une forme de... D'ailleurs, en anglais, on dit bien les conservateurs, hein, c'est le parti conservateur, donc justement, entre la conservation de la tradition et les gauchistes américains, on les appelle les liberals, justement, ceux qui veulent, par définition, maintenant, ils s'appellent en France, on traduirait par progressiste, c'est le nouveau mot à la mode. Donc, on voit bien que c'est les deux tendances de la société entre les conservateurs et ce qu'on pourrait appeler les destructeurs, même si ce n'est pas un terme, je ne l'utilise pas forcément de façon péjorative, tu vois, mais pour les opposer. Et tout à l'heure, il y avait une remarque qui était intéressante quand Fedor disait que oui, les pays d'Asie, eux, ne sont pas concernés par ce débat comme nous, et ils ont parfaitement allié la tradition et la modernité. Ils ne se posent pas la question. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Et pour avoir voyagé un peu aussi pas mal, et je vais prendre juste à côté de chez nous, par exemple en Europe, en Autriche, donc un pays plus... Alors un pays qui a été à fond dans le progressisme, on va dire, hein, c'est le pays de Conchita Wurst, hein, par exemple, et aujourd'hui, ils reviennent complètement au traditionnalisme, et pour cause, parce que c'est un pays qui, comme je vous dis, j'y vais très très souvent, et qui a conservé, mais de façon beaucoup plus que nous, justement, la tradition, à la fois la tradition catholique, par exemple, là-bas, dans toutes les écoles, il y a des crucifixes, les gens ont conservé leur tradition, en plus de... J'ai envie de dire des traditions que même nous, on a perdues, de toutes les petites traditions. Par exemple, je ne sais plus, ils ont une date en mois de décembre, tout le monde s'offre des petits trucs, des machins. Tout, ils ont conservé tous absolument leurs traditions. Et qu'est-ce que ça donne? C'est intéressant parce que politiquement, par rapport à cette situation qu'on vit justement de modernisme, où on nous enjoint à accepter l'immigration et les grands changements de civilisation, bah c'est un peuple qui a voté à droite, de droite, de droite, dans le conservatisme le plus total. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Clairement. Ouais, mais tu peux... attends, juste une remarque, c'est vrai, t'as raison, l'Autriche, elle a viré à droite. Cependant, regarde le discours économique du mec. C'est-à-dire qu'en fait, quand un parti de droite gagne, c'est qu'il a proposé une alternative, en général libérale, c'est-à-dire qui propose l'option enrichissement personnel. Parce qu'en fait, la droite qui gagne, elle a compris qu'on ne ferait jamais machine arrière là-dessus. C'est-à-dire que tu ne peux plus dire aux gens maintenant, il faut retourner aux traditions et retourner au mode de vie d'avant. Ce n'est pas possible. Il faut lui proposer l'alternative confort de vie, enrichissement personnel. Il faut qu'il ait la possibilité de le faire dans la société. Si tu lui proposes pas ça, si tu restes sur le vieux modèle, c'est ce qu'ils font en France, si on reste sur le vieux modèle social, avec ce qu'on appelle le modèle social français, on va perdre indéfiniment. Les gens, ils en ont plus rien à foutre de ça. Ils veulent bien entendre qu'il y a une tradition, ils veulent bien entendre qu'il y a une histoire, ils veulent bien entendre qu'il y a même une identité ethnique, mais il faut leur proposer les avantages de la modernité. Et même si on les cadre, il faut proposer de l'avantage. Parce que sinon, tu perds, en fait. Sinon, tu fais comme le Front National, tu fais comme tous les partis souverains. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a également de plus en plus de personnes qui se dirigent vers la droite, tout simplement parce que c'est le parti politique qui, à l'heure actuelle, est le plus logique par rapport aux décisions. C'est-à-dire que la gauche, elle veut imposer l'immigration alors qu'on a remarqué que ça marchait pas. Elle veut imposer plein de trucs. Là, par exemple, les conneries de LGBT, des gens qui se prétendent hélicoptères, c'est complètement irrationnel et les gens en ont marre qu'on les prenne pour des cons. Alors, ils se dirigent vers des partis conservateurs, même s'ils sont pas conservateurs, juste parce que ces partis-là, ils gardent une certaine logique dans leur raisonnement. Et pour que ça fonctionne, par exemple, en France, faudrait par exemple mettre plus en avant ce point de vue logique, pragmatique, plutôt que mettre en avant les partis conservateurs qui ne fonctionnent pas et dont personne s'intéresse. Sauf que je me demande si le fait de mettre en avant quelque chose de pragmatique et de logique, c'est pas justement quelque chose qui est perçu comme étant traditionnaliste et ancré dans le passé, parce que le raisonnement, la logique, le constat empirique, est-ce que c'est pas quelque chose de ringard et de réactionnaire, alors que l'idéalisme, le fait de se dire que on va faire la gay pride devant des gens qui se pointent arrivant de pays qui n'ont jamais vu ça, c'est quelque chose qui va fonctionner formidablement bien, parce que on est surtout là pour vivre au milieu des arcs-en-ciel et des bons sentiments. Progressisme. Pour mettre de l'eau au moulin de Fedor, on a l'exemple de la Russie quand même. Poutine, pourquoi il a tant de succès aussi en Russie? Pourtant, il y a le retour de la religion, certes, c'est pas le communisme, mais ce mec, il réussit en gardant des traditions, mais sauf sur un point, justement, le pouvoir d'achat des gens. Il l'a multiplié par 4, les gens sont contents en majorité, et le réalisent. Alors que, il associe plusieurs religions, avec l'islam et l'orthodoxie. Poutine est effectivement un maître en matière de, d'avoir réussi à lier tradition et modernité, parce qu'il a même réconcilié, on va dire, le communisme, la Russie communiste, l'URSS et la Russie tsariste. C'est un pari impossible et il a complètement réussi. Ouais, mais il l'a fait avec de l'autorité. Tous ces courants d'être trop extrêmes les uns par rapport aux autres. Et c'est peut-être ça qui manque. Alors, je répète un peu, mais on arrive vraiment à un point dans la discussion que, personnellement, je suis très content d'aborder, de pouvoir aborder. Et encore une fois, et pour ceux qui n'ont pas l'air de bien comprendre, et je fais référence à Aïsa, qui bouillonne un peu sur le chat, c'est qu'en fait, on oppose modernité ou modernisme avec traditionnalisme et tradition, et que c'est tout à fait à mettre en lien avec l'état actuel du système politique en France, et puis par extension peut-être aussi à travers le monde, aux États-Unis ou ailleurs. Mais c'est le fait qu'il y a vraiment un sujet, c'est que la droite, ce qu'on considère comme la droite, alors on peut les appeler les conservateurs, les traditionalistes, enfin comme on veut, même si je comprends ceux qui réfutent le côté droite-gauche comme un clivage qui n'a plus lieu d'être, etc., mais n'empêche, il subsiste une différence entre une approche de droite et une approche de gauche. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est la gauche qui s'est totalement accaparé la belle image en fait de progrès, de moderne. C'est eux qui vont introduire l'idée de revenu universel aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin toutes ces petites choses là en fait qui ont un attrait en fait pour les gens. C'est un attrait moderne, c'est nouveau, c'est innovant, etc. Et la droite se retrouve complètement mise à l'écart dans une image uniquement de conservateurs, en fait de traditionnalistes, de gens qui veulent pas progresser, qui veulent pas avancer. Et je cherche encore quels sont les moyens en fait pour la droite. Et quand je dis la droite, je fais pas référence au système UMPS, etc. Hein, je parle de quelque chose d'ordre bien plus général. Mais comment faire en sorte que cette droite là puisse se réapproprier en fait des thèmes avec lesquels tout le monde est d'accord. Je crois que Fedor le rappelait en fait, c'est que il y a pas de vrai antagonisme entre le fait de vouloir conserver son identité, préserver plutôt que conserver d'ailleurs son identité, ses traditions, et le fait de vouloir offrir un meilleur confort matériel, vraiment dans une vue très pragmatique et réaliste. Donc, il n'y a pas vraiment d'exemple en fait. À vous entendre, j'ai presque envie de devenir pessimiste en fait. C'est en gros, il n'y a pas d'espoir pour que des gens. Alors Trump, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple. Peut-être que tu pourrais développer là-dessus, mais en tout cas, pour qu'il y ait des politiques qui favorisent à la fois la préservation de l'identité des traditions, ou alors on considère simplement que c'est trop tard en France pour revenir. Mais à ce moment-là, c'est vraiment une vision très très pessimiste et c'est dommage. Il y a Fedor peut-être ? Non, mais je répète simplement qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Ceux qui misent sur un retour en arrière, ils vont perdre. C'est un discours que les gens ne veulent pas entendre, et à juste titre, tu peux pas expliquer à une personne que une fois qu'elle a franchi le pas, c'est terminé. Tu peux plus dire à une personne que la modernité c'est de la merde, qu'il faut revenir aux traditions. C'est une marche arrière impossible à faire. Donc il faut faire avec. Sinon, si tu fais pas avec, t'es condamné à un échec politique infini. Regarde, c'est en Slovaquie, en République tchèque, récemment, il y a ce qu'on appelle, un mec qui a été élu, on l'appelle le Trump slovaque, je crois. C'est un mec qui a également le même discours. Il dit, moi je pense qu'il faut parler avec l'Union Européenne, cependant, je reste ferme sur l'identité, je reste ferme sur les migrants, je reste ferme sur la sécurité, mais, et il propose quand même l'option moderne au niveau de la technique et une alternative capitaliste, tu vois. Et Il faut que les Français arrivent à faire ça. Seulement, la France, elle a un problème, c'est qu'elle est trop ancrée dans ce modèle social qu'elle pense être son identité, alors que c'est totalement faux. C'est une tradition très récente en France, et enfin du moins à l'échelle historique, hein. Mais c'est bon, ça. Mais tant qu'on... T'as perdu Fedor. Ah, on t'a perdu Fedor. Je dis tant qu'on considérera. Tant qu'on considérera que le modèle social français est une partie de l'identité française, on se fera, la droite se fera niquer tout le temps. Il faut se débarrasser de ça si tu veux pouvoir imposer des traditions. Voilà, parce que les gens ne veulent, les gens ils veulent bien accepter les traditions si tu leur proposes l'alternative. Le retour en arrière, c'est peut-être la seule chose qui soit contre la loi naturelle, quoi. L'homme évolue et puis c'est tout. Camarade. Rien de particulier, non, rien de spécial. Simplement, par rapport à ce que disait Fedor, je suis pas sûr que, comment dire, l'attachement au modèle social français soit le seul véritable frein à une évolution positive. Peut-être que c'est plutôt la façon de le concevoir comme quelque chose qui est ouvert à l'universel. Parce que le modèle social français peut-être fonctionner à une échelle nationale et pas forcément à une échelle globale, quantitativement non définie, quoi. Mais bon, je suis assez d'accord quand même avec ce qui est dit. Gavroche, peut-être. Le problème que tu évoques sur la vision de la droite du peuple, c'est également un problème extrêmement médiatique. C'est-à-dire que, par exemple, le Front National, il proposait un programme qui était quand même pas si traditionnel que ça, pas si conservateur que ça. Il y a plein de personnes de droite qui n'étaient pas d'accord, mais qui votaient quand même par défaut. Front National est pourtant, dans les médias, c'était considéré comme le diable, comme le retour en arrière, comme Satan, comme Hitler, comme tout ce qu'on veut. Alors, tant qu'on va pas résoudre le problème médiatique et la manipulation que tous les Français subissent, pour moi, la droite n'aura pas une meilleure vision de par le public. Je suis très d'accord avec toi, Gavroche, hein. C'est-à-dire que l'image qu'a le FN actuellement, c'est une image qui est absolument construite, parce que les gens véritablement de droite très dure détestent le Front National et en disent vraiment pis que pendre, et pourtant on continue de nous présenter Marine Le Pen comme quelqu'un qui se mettrait à tuer des gens en France, alors que les gens qui ont vraiment envie de faire des choses très extrêmes en France considèrent Marine Le Pen comme une gauchiste. Donc tout ça est de la construction médiatique pure et simple. Mais voilà, on en revient à la question que tu posais. Pourquoi est-ce que la droite ne se saisit pas de ces questions entre le modernisme et le traditionnalisme? Mais c'est parce que le modernisme a véritablement pris le pouvoir au niveau des organes qui construisent l'opinion publique. Eh ben voilà, justement, camarade, sur ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que là où j'essayais d'amener, c'est pourquoi, même au sein de ceux qui pourraient finalement être un petit peu les soutiens naturels, en fait, de Marine Le Pen, on va aller jusqu'à la traiter de gauchiste, etc. C'est-à-dire qu'en fait, Marine Le Pen, ça tombe sur elle, mais en fait, c'est juste accessoire, mais en fait, pourquoi des gens de droite qui s'attarderaient justement à rendre leur idéologie un peu plus, peut-être pas souple, mais attrayante en fait aux yeux de l'opinion publique, pourquoi même au sein de ces soutiens, on irait la traiter d'extrême gauchiste, etc., etc. Parce qu'en fait, on lui reproche de ne pas aller assez loin, alors que son positionnement, si tu veux, il a l'air d'être un petit peu stratégique pour justement essayer d'appeler les progressistes, etc. En fait, et je prends son exemple, il y en a plein d'autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème là aussi, encore une fois, de fondamentalisme en fait ? C'est-à-dire que chez les gens, je sais pas, les nationaux, identitaires, etc., on en veut trop peut-être en fait, ou alors on n'est pas assez stratégique. Il y a un problème. Tu vois. Oui, mais après, je ne sais pas à qui tu fais référence exactement. Je peux te préciser, mais. Je peux te préciser, mais si tu veux, dans toutes les discussions qu'on peut entendre, donc du bord, surtout du bord un petit peu nationaliste, etc., c'est beaucoup de radicalité, en fait. Voilà. C'est beaucoup de radicalité qui amène à pas grand-chose, en fait, politiquement. Et donc, il y a un gros problème là, dans le fait de rendre peut-être pas, c'est même pas accessible, c'est attrayant, en fait. L'idée que on a besoin de faire attention à son identité, à pas se laisser déborder par des vagues migratoires, etc., etc. Ce truc-là, comme je crois que disait Fedor, le modèle socialiste, il a tellement été calqué sur la France qu'aujourd'hui, ça en est devenu presque son identité, même si évidemment, ça ne l'est pas. Et le fait qu'il y ait certains représentants politiques qui essayent d'orienter un petit peu, d'aller de ce côté-là pour grappiller des voix ou recruter des gens, enfin bref, eh bien, ils se font taxer de gauchistes, de traîtres presque en fait. Alors qu'en vérité, il y a peut-être une stratégie là-dedans de rendre plus acceptable et plus attirante les idéologies en question, quoi. Peut-être que c'est le problème des ismes, c'est que il y a beaucoup de gens qui souhaitent vraiment être dans la pureté doctrinale, etc., et qui en deviennent un peu stupides. Si on parle de Marine Le Pen, c'est vrai qu'on peut dire quelque part qu'elle est gauchiste dans le sens où elle a parlé énormément du droit du travail. Moi, ça me dérange pas personnellement, le droit du travail, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Elle a parlé des pauvres, elle a parlé du fait qu'il fallait protéger les gens, et quelque part, elle a ouvert aussi son discours en disant, mais là, c'est vrai qu'on est un petit peu hors du débat du traditionalisme, etc., même si il y a un traditionnalisme français dans ce qu'il est aujourd'hui, de dire à partir du moment où tu es français, quelle que soit la couleur de ta peau, eh bien, tu as les droits d'un honnête travailleur, les droits d'un honnête chômeur, etc. Mais faire à des gens qui sont des puristes de leur propre idéologie et qui ne peuvent pas comprendre, je vais essayer de faire synthétique, qui ne peuvent pas comprendre que Florian Philippot soit homosexuel. Tout simplement, parce qu'ils sont dans une acception du traditionalisme qui est un traditionnalisme absolutiste et qui ne comprend pas que peut-être le traditionnalisme en France, c'est de dire que, ok, on est en France, tu peux être noir, tu peux être blanc, tu peux être homosexuel, le tout, c'est que on te tolérera parce qu'on te tolérera si tu es blanc, si tu es noir, si tu es homosexuel et si tu es un brave type et si tu aimes la France, mais par contre, si tu es au parti des indigènes de la République, si tu es quelqu'un qui parle de leucoderme ou si tu tiens à venir dans les écoles maternelles faire la promotion de ta sexualité aux enfants, là on ne t'aimera pas. À mon avis, ces gens ne font pas la différence entre la tolérance et l'identité comme celle de Florian Philippot, qu'ils interprètent comme étant quelque chose de blasphématoire par rapport à leur propre idéologie. Je pense qu'il y a une espèce de stratégie dans la position qui était celle du FN avant l'élection présidentielle et qui va peut-être changer, qui est interprétée par ces gens-là comme un crime de lèse doctrine. Ouais. Et moi, enfin, contrairement à ce que tu as pu évoquer, moi je pense pas qu'on s'écarte tant que ça du débat. Moi, je pense limite même au contraire, en fait. C'est-à-dire que on est en train de toucher plutôt la mise en pratique presque, en fait, de cet antagonisme entre modernisme et traditionnalisme, puisqu'on en vient à mentionner le fait que parmi les traditionalistes, on va dire, il y a des gens qui sont très fondamentalistes, et c'est la question qu'on posait tout à l'heure, en fait. C'est si le traditionalisme est pas c'est presque synonyme, en fait, pas synonyme, mais ne va pas de pair, en fait, avec fondamentalisme, puisqu'on a des gens, comme je le dis encore, j'ai pas envie de mentionner de nom comme ça, les balancer en pâture, mais au sein, voilà, des gens qui s'expriment publiquement et qui portent l'idéologie identitaire, nationaliste, etc., des gens qui vont reprocher à la droite, qui souffre depuis des années et des années du fait qu'on la place comme uniquement conservatrice, réactionnaire, etc., bah, qui vont reprocher à des gens qui vont faire un petit peu l'effort de dépasser cette image-là, bah, d'être des traîtres ou des gauchistes, etc. Donc il y a une forme de fondamentalisme, autant qu'il y a une forme de radicalité dans le modernisme qui veut, voilà, nous amener à une vie en société complètement décalée par rapport à nos identités, je dirais, presque de nature, etc. Donc, je te rassure, je pense qu'on est vraiment même dans le cœur du sujet, en fait. D'accord, bah, tant mieux, mais je pense que c'est tout à fait vrai. C'est le problème, c'est le problème des radicalismes dans les idéologies. Ça empêche les gens de se focaliser sur la finalité du politique. T'attardes sur des choses accessoires et s'opposent les uns avec les autres. Mais bon, pour la même chose, moi je pense que des gens progressistes, enfin, le problème de histe et de isme, c'est toujours le même, mais des gens qui sont attachés au progrès peuvent très bien s'entendre avec des gens qui sont attachés à la tradition. Par contre, des traditionalistes ne pourront jamais faire autre chose avec des progressistes que de se détester et de ne pas s'écouter. Bah écoutez, alors pour le moment, ce que je vous suggère, on approche bientôt de la fin, mais je vous suggère de faire un nouveau tour, si vous le voulez bien, pour peut-être justement donner votre opinion sur qu'est-ce qui représente aujourd'hui une opportunité ou un potentiel de réconcilier, en fait, le traditionnalisme ou la tradition avec le modernisme ou la modernité. J'espère que c'est assez clair. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire remarquer. Mais on a Blunt qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu souhaiterais t'exprimer sur ce sujet? Parce que je vois que tu es assez actif sur le chat. Tu as peut-être envie de rajouter quelque chose. Si c'est pas le cas, bah, peut-être Fedor. À l'heure actuelle, en France, personne n'incarne ça. Personne. Et en fait, il peut pas émerger parce que, effectivement, la droite, elle est sclérosée dans cette contradiction entre le modèle social français, et qui est égalitariste, et la tradition, qui, pour se maintenir, a besoin d'une hiérarchie, d'une autorité. Voilà. Moi, c'est... Donc, pour l'instant, il y a personne. Wauquiez, il l'incarne pas, à mon avis. Peut-être que je me trompe, j'espère. Mais au Front National, dans le camp souverainiste, c'est toujours la même rengaine depuis 30 ans. D'accord. Fleurette, c'est encore là? Je pense pas que tout ce dont on est parlé puisse être incarné par une personne. On a parlé d'idées et il faut que... Enfin, c'est une idée qui doit émerger, pas une personne. Mais justement, en fait, l'idée, c'est comment elle se met en pratique, en fait. C'est aussi ça la question, c'est comment tu mets en pratique le fait de vouloir préserver ou conserver ton identité, l'identité de ton peuple, les traditions de ton peuple. Et je rappelle, hein, les traditions, c'est pas que des traditions modernes, c'est des traditions qui ont des centaines d'années, voire des milliers d'années. Et mettre ça au goût de la modernité, comment le faire? Bah, c'est selon, mais s'il y a 200 ans, on pouvait faire des vases en terre cuite avec un tour avec les pieds, là, on doit encore pouvoir le faire aujourd'hui. Ce qui a été évoqué précédemment, c'est qu'il y a des pays à travers le monde, notamment en Asie, mais aussi, comme le disait Tepa, mais aussi en Europe. Non, mais attendez, moi, je ne sais pas trop pourquoi vous dites ça, je ne suis pas complètement d'accord. Hein. J'y suis jamais allé personnellement, mais de ce qu'on me raconte... il y a quand même un clivage énorme dans les familles entre les jeunes générations et les vieux qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Bah ça, justement, c'est peut-être une évolution à imputer au modernisme, du coup, cette marche, enfin cette volonté politique qui fait accélérer les choses. Mais non, je crois que c'est pas faux de dire que peut-être même la majorité, en fait, des pays dans le monde parviennent avec une dose de modernisme ou de modernité à préserver leurs identités, etc. Ça se vérifie hein. En Asie, ça se voit même dans des pays d'Europe. Il mentionnait l'Autriche. Moi, je connais un peu plus la Pologne et je peux te dire que effectivement, c'est totalement vrai de dire qu'on remarque que plus les générations avancent et plus il y a des tendances à une espèce de d'uniformisation, etc. qui est à mettre en lien avec le modernisme. Mais n'empêche. La France, elle paraît beaucoup, enfin très très très en retard. Enfin, je ne sais même pas si c'est le bon terme. Mais... Par rapport à ça, voilà. Non, mais tu parles de conserver, enfin de préserver leur identité. Non, je pense qu'ils conservent une identité. C'est pas la même chose. Ils ont toujours leur identité à eux. Elle évolue avec les moyens technologiques, mais c'est plus la même. Hein. Écoute, on y revient encore au sujet de la religion, je pense. Au sujet de la religion, encore une fois, moi, je vois quand tu as des pays qui. Moi, je te le dis, hein, je le vois, je le constate, je l'ai vu en Pologne, par exemple. Quand tu as des pays qui mettent un accent très, très fort sur la préservation de leur tradition religieuse, parce que c'est celle qui, je sais pas, qui ressortent le plus. Je suis désolé, hein, mais c'est une réalité. Ils arrivent à vivre dans la modernité totalement, autant que l'Europe occidentale, mais je sais pas, dans leur famille, dans leur pratique, enfin dans leur vie en société, etc. Tu sens tous les jours, quotidiennement, à chaque instant, qu'il y a il y a de la tradition qui perdure. Donc, je pense que c'est quand même une réalité, ça n'a pas nié. Moi, je pense que tu viens de dire un mot assez important pour expliquer ça, c'est le mot famille. Parce qu'on se rend compte que quand on essaie d'associer ces deux idées d'une manière sociétale, on se retrouve un peu confronté à un mur. En politique, pareil, au niveau de la religion, pareil. Notamment en Asie, il me semble que le schéma familial est encore relativement bien préservé comparé par exemple en Occident où la cellule familiale a complètement éclaté et même voire complètement inexistante hein, dans certains coins. Et il me semble que c'est le premier endroit où justement il y a cette transmission de tradition. Aujourd'hui, bah, même au sein d'une même famille, bah, les anciens ne parlent plus avec les jeunes. Alors que ce sont bien justement deux très bons ambassadeurs de la tradition d'un côté et de la modernisation de l'autre. Est-ce que ça va pas passer par ça aussi? Ouais, c'est très intéressant FTP ce que tu dis. Donc on se pose toujours la même question de pourquoi, encore une fois, on parvient pas en Europe occidentale à faire perdurer un petit peu, enfin perdurer, exister aujourd'hui, en fait, c'est même plus de les faire perdurer, hein, c'est juste de les faire exister, en fait, ces traditions. Moi, j'ai peut-être un début d'explication, c'est que, en fait, ce qu'on appelle modernisme, en tout cas en Europe, le vrai nom, c'est américanisation. Depuis 1945. Tout ce que je vois de moderne, c'est une marque anglo-saxonne. Je ne vois plus vraiment de marque française qui est dans la modernité aujourd'hui. Ouais, ça c'est aussi intéressant. Donc il y a cette question d'américanisation. Ouais. C'est assez vrai ce qui vient d'être dit. C'est que si on regarde actuellement l'écriture inclusive, c'est un truc un peu spécifique. Puisque par exemple aux États-Unis, étant donné que en anglais vous n'avez pas beautifulette ou beautiful, vous n'avez pas d'accord de genre, etc. Donc l'écriture inclusive, c'est quelque chose qui est propre aux sociétés occidentales où on accorde en genre la grammaire, etc. Mais Il y a de nombreux débats qui émergent en France et qui secouent le landerneau médiatique, alors que honnêtement, on n'en a rien à foutre et qu'il y a vraiment autre chose dont on devrait se soucier plutôt que de ces conneries-là. Et tout ça, c'est des choses qui existent aux États-Unis 4 ou 5 ans avant et qui arrivent en France et qui sont essentiellement, je parle des social justice warriors, je parle du gender, je parle de toutes ces idioties-là qui sont vraiment le parangon du progressisme avec ce isme en majuscule dont je parle depuis le début du débat. Tout ça est très très très américain et est un vecteur de division, de destruction de la société qui ne peut qu'aller vers une société plus malléable à l'avenir. Donc je suis très d'accord avec cette idée qui vient d'être évoquée du fait que tout ça est très très américain. Voilà, donc, même si c'est vrai qu'aux États-Unis, par rapport à en France, on est beaucoup plus libre d'y réagir et de s'exprimer à contre-courant. En France, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les débats, enfin les articles qui sont sortis à propos de un mec qui s'appelle Valek là, ou pas Valek, je ne sais plus. Il y a eu des articles dans la presse qui s'émouvaient du fait que il y avait des gens qui réagissaient vis-à-vis de ces mouvements féministes fanatiques et qui vraiment n'avaient aucune distance critique, c'est-à-dire qu'ils avaient accepté le fait que, par définition, ces mouvements féministes fanatiques étaient sur la voie de quelque chose de désirable et de souhaitable, alors que toute personne qui s'y opposait, en disant « mais arrêtez vos idioties, c'est pas parce qu'on est mâle et qu'on est blanc qu'on est forcément une saloperie, moi j'ai jamais battu ma femme et vous non plus, arrêtez un petit peu de nous emmerder », eh bien la presse française traitait tout cela d'une façon totalement univoque en disant « ces féministes que moi j'appelle des féministes starbés, sont forcément des gens progressistes et donc bien fondés à nous donner leur avis. Et toute personne qui s'y oppose est une personne absolument, absolument exécrable. Et c'est vrai qu'à la fois ça vient des États-Unis, mais il y a quelque chose d'assez terrifiant à se dire que ça nous vient des États-Unis, alors que nous sommes un pays dans lequel on n'a pas ce droit qu'on a aux États-Unis de s'exprimer librement pour contrer ce genre d'idéologie qui relève d'une sorte de fascisme idéologique, quoi. D'ailleurs, là-dessus, je veux dire, là où c'est que ça a été très facile pour cette américanisation, c'est qu'on a détruit les repères des Européens, et on le voit notamment avec les cours d'histoire, où tout ce qui est avant la Révolution, c'est l'enfer, et le paradis, c'est à partir de la Révolution. C'est intéressant que vous mettiez en avant l'idée d'américanisation en parallèle avec le modernisme. Tout à l'heure, on parlait d'occidentalisation, mais ouais, ça a peut-être une racine de ce côté-là. Est-ce que d'autres personnes veulent continuer et réagir? Je crois qu'on a encore Gavroche avec nous. Oui, je suis là. Alors selon toi, parce que là on a évoqué plein de choses, mais d'ailleurs ce que relevait Comrad, je considère que c'est une preuve de plus que certains pays se sont pas soumis entre guillemets à ce modernisme-là, puisqu'on le voit en Europe centrale, en Europe de l'Est, dans certains pays d'Asie, tu peux te lever tôt pour faire introduire les idées de mouvements LGBTQ au carré, etc. C'est pas quelque chose qui prend dans la société, même si je concède que c'est quelque chose qui a tendance à évoluer, qu'à chaque génération, on a l'impression que il y a un risque, je prends parti déjà, mais en tout cas que ça soit de plus en plus accepté, intégré, mais pour le moment c'est pas le cas. Excuse-moi, tu posais une question à Gavroche, mais je me permets juste de rebondir sur ce que tu dis. Tu parlais des sociétés asiatiques, par exemple en Thaïlande, me semble-t-il, tu as le phénomène des Katoy. Les Katoy là-bas, ils ont une élection de Miss, comme Miss France, mais Miss Thaïlande, qui est spécialement dédiée aux Katoy, les Katoy étant les ladyboys, c'est-à-dire les garçons qui deviennent des filles. Et ils ont starifié ce processus de transgenre. Et après, bon, je ne sais pas ce que me montre la télévision, mais j'ai vu des reportages absolument, enthousiaste vis-à-vis du phénomène, où il te montrait une classe de petits enfants thaïlandais de 40 enfants, dont 20 petits garçons. Et parmi les 20 petits garçons, on demandait qui veut devenir un catoy, donc un transgenre, anciennement garçon, quand il sera grand. Et sur 20 petits garçons, tu en avais facilement 10 ou 9 ou 11, je ne sais plus, qui levaient la main en disant moi. Le transgenre est très en vogue en Thaïlande. Oui, complètement. Sauf que, effectivement, mais c'est vrai que la Thaïlande, sur cette question-là spécifiquement, c'est très spécial. C'est vrai qu'en fait, ils ont quasiment une tradition bien à eux de tous ces trucs-là, en fait. C'est même pas, je pense pas que ce soit venu par, justement, le modernisme LGBT, etc. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, si tu as l'air de connaître un petit peu la Thaïlande, je crois que chez eux, c'est spécifique un petit peu. Ils ont une approche de ça qui est vraiment propre à leur pays, tu vois. Je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui était importé chez eux, tu vois ce que je veux dire? Je te fais confiance à ce sujet-là. Ouais, je pense que je me suis renseigné un petit peu. C'est vraiment pas quelque chose qui était importé chez eux, cette question-là des trans. C'est quelque chose qui a vraiment, vraiment, vraiment très. Qui est très âgé, quoi. Qui date vraiment encore. Donc c'est limite une tradition presque chez eux, on pourrait dire. Mais après, il y a quelqu'un qui soulève dans le chat la question de la géopolitique, en fait, dans toutes ces histoires. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des pays qui sont plus sous le giron, qui appartiennent plus au giron, je dirais peut-être des gros mastodontes un peu de la géopolitique à l'Est, à savoir la Russie et la Chine, qui sont automatiquement, évidemment, à travers la guerre froide, etc., beaucoup plus hostiles. Justement, ça va mettre en lien avec cette histoire d'américanisation. Donc, c'est peut-être des pays qui sont plus hostile à l'introduction, à l'importation de ces nouveautés, de ces modernités qui viennent peut-être beaucoup d'extrême Occident, si on peut dire, donc des États-Unis. Donc il y a peut-être aussi une question géopolitique à poser dans tout ça. Donc à savoir si on ne se protège pas en étant sous le parapluie sino-russe ou russo-chinois de cette américanisation, donc de ce modernisme-là, puisqu'on sait que ce sont des pays, malgré le fait qu'ils aient adopté totalement beaucoup d'éléments de la modernité ou du modernisme, ce sont quand même des pays qui mettent un accent fort sur la préservation de leur identité, donc de leur tradition. Tout à l'heure, quelqu'un mentionnait l'importance de la religion en Russie, par exemple, mais quand on parle de la Russie, on peut aussi parler des pays anciennement soviétiques, encore une fois, où ça se vérifie, quoi. Ce sont des pays qui ont conservé au maximum, en fait, leur tradition, et même leur gouvernement, en fait, participé à cette préservation-là, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Prenez des gouvernements je ne sais pas moi, hongrois, polonais, slovaque, tchèque, etc. La Biélorusse surtout. Biélorusse, c'est ce pays que tu mentionnes? Oui. Oui, tout à fait. Donc là, c'est clairement à la différence des pays occidentaux, où on sent qu'il y a un vrai abandon. Si ce n'est pas un abandon, limite, c'est même une opposition totale, en fait, aux traditions. Donc comme quoi le modernisme a fait beaucoup plus de dégâts en Occident. C'est pour ça que peut-être on parle d'occidentalisme peut-être, ou d'occidentalisation, même si ça peut se ressentir comme un espèce de positionnement anti-Occident qu'on peut entendre dans les pays non alignés, entre guillemets. C'est peut-être également une question de la mentalité des pays dans lesquels tu parles, c'est-à-dire les pays de l'Est et certains pays asiatiques. On sait qu'ils ont une mentalité différente des pays occidentaux tels que la France, la Belgique, la Grande-Bretagne. Et la mentalité qu'ils ont, elle peut-être favorise un peu des partis conservateurs d'accéder au pouvoir, alors que dans la mentalité occidentale, surtout depuis l'américanisation et la technologie, on est tous devenus très hypocrites Et cette hypocrisie, elle favorise plus la gauche qui est très contradictoire avec elle-même, alors que la droite, elle est beaucoup moins hypocrite, voire même pas du tout. Elle est totalement logique, elle assume tout ce dont elle parle. C'est cette différence de mentalité qui fait que un côté comme de l'autre par rapport aux endroits ou dans les pays dans lesquels ils se situent est favorisé. Est-ce que d'autres personnes voudraient commenter, réagir? Comrade? Je pense que Gavroche dit quelque chose de juste, et je pense ça aussi. À mon avis, il n'y a peut-être pas tant, au fond, de différence dans cette... d'une opinion et de l'opinion contradictoire vis-à-vis de ces questions-là en France que dans ces pays de l'Est par exemple, mais que le problème fondamental vient du fait que peut-être dans ces pays-là tout simplement on a le droit d'avoir une opinion ou l'autre, alors que dans nos pays le fait de savoir si on a le droit d'avoir une opinion ou l'autre, elle émane de ce qui est représenté à la télévision, à la radio. Et en France, vous avez une uniformité totale, hégémonique, d'une opinion par rapport à l'autre. Donc, je pense que pas mal de gens ont des opinions beaucoup plus tranchées qu'on pourrait le croire, mais tout simplement ne se sentent pas fondés moralement à exprimer et même à ressentir cette opinion. Donc c'est une opinion qu'ils ont au fond d'eux et qui ressentent profondément comme étant de la crime pensée, au sens strictement. Bien. Les amis, on va arriver à la fin. En dernier point, je vous propose de faire un dernier petit tour pour savoir, en fait, recueillir ce que vous avez tiré, en fait, de cette discussion. Quelles sont un peu vos conclusions? Je veux bien commencer par vous donner la mienne. Moi, ce que je tire de plus important de cette discussion, c'est le fait de se demander comment rallier les deux un petit peu, comment réconcilier un petit peu la volonté de préserver des traditions qui, pour moi, sont un vecteur important de l'ordre, de la stabilité d'une société, de son identité. C'est cette question-là que je vais continuer à me poser, de faire en sorte que de plus en plus de gens admettent et viennent à penser que il est important de conserver ces traditions, parce que je l'ai vu à travers des voyages, que des sociétés avec un fonctionnement plus sain, elles peuvent très bien allier tous les éléments de la modernité avec une forte conscience de leur identité, du fait qu'elles peuvent se considérer comme un peuple uni qui vit en vraie harmonie. Et je trouve ça extrêmement important. Donc, merci encore à vous. Et Pyronir, peut-être pour un mot de conclusion. Ouais, que l'avenir nous dira si on a tort ou raison, mais aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un au gouvernement qui puisse porter ce que beaucoup de Français voudraient voir appliqué. Merci. Bon, c'est un peu pessimiste, tu trouves pas? Ouais, mais bon, pour le moment, les étincelles d'espoir restent que des étincelles. Merci, Pyronir. On a ensuite Fedor. Fedor qui s'endort sur son... Ouais, j'ai rien à rajouter. Merci à toi, Fedor. FTP. Je vais faire une conclusion assez similaire. J'ai un regard... malheureusement, pour l'instant, pessimiste sur le futur, parce que je pense que de toute façon, tout ça, c'est une question de dosage et de nuance, mais je pense pas que ça puisse être compatible avec l'élan mondialiste dans lequel on est parti très rapidement. Merci FTP. Plaisir que tu sois resté avec nous aussi tard. Gavroche. Comme on l'a dit tout à l'heure, la modernité va finir par arriver, elle arrive toujours, les technologies avancent, les mentalités changent, et on nous impose une seule et unique direction alors qu'il en existe plusieurs, et c'est à nous de choisir la direction la meilleure pour notre pays, pour notre futur, et également d'adopter les comportements les plus adéquats, d'éduquer nos enfants de la bonne manière et de lutter de notre côté sans forcément avec des votes ou quoi, mais rien qu'avec notre comportement, nos décisions, de choisir de ne pas aller là où on nous impose d'aller et de prendre de faire le meilleur exemple. Voilà. Merci. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Gavroche. Et camarade. Écoute, il me semble qu'au départ, tu disais comment on pourrait faire cohabiter un petit peu le modernisme et le conservatisme, le traditionalalisme. Eh bien, j'aurais envie de dire que c'est par le débat. Débat tempéré où on essaye de voir un petit peu ce qui peut nous rapprocher dans notre façon d'appréhender le monde. Et moi, j'aime bien ces débats qui sont organisés ici. Simplement, j'ai l'impression qu'à la base, on a tous certaines nuances dans notre façon d'appréhender les choses, mais plus ou moins, après peut-être que je me trompe, hein, je l'ai peut-être mal interprété, je suis peut-être pas assez subtil, on n'est peut-être pas du même bord, mais ça pourrait être intéressant d'essayer de trouver un moyen de faire en sorte que des gens qui sont à la base de vrais progressistes purs et durs se joignent à ce genre de débat pour essayer de voir en fait en quoi l'opinion que nous défendons peut véritablement représenter un danger pour eux, et peut-être essayer de trouver un terrain commun pour construire quelque chose. Bon, là, je suis d'accord avec ce que je viens de dire, on est tous en train de vomir des arcs-en-ciel, mais ça pourrait être intéressant, parce que je suis convaincu que parmi les progressistes, il y a des gens qui ne sont pas vraiment des progressistes, manipulés par des gens qui ont envie de détruire les traditionalistes, et qui pourraient peut-être comprendre qu'en fait, au fond, on veut la même chose. Mais moi-même, je suis en train de vomir là. Tellement c'est bien intentionné ce que je viens de dire, mais c'est ce que je pense. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, camarade. Au contraire, c'est vraiment l'objet de ces discussions, en fait. Hein. Donc, et tu remarqueras d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens silencieux, donc on ne sait pas si parmi eux, il n'y aura pas des personnes comme ça qui auraient pu effectivement aussi défendre leurs opinions. Mais c'est que partie remise, et je suis certain qu'on aboutira, vu la bonne tenue, etc., de ces discussions, qu'au bout d'un moment, certains accepteront. C'est aussi difficile aussi de les faire venir pour argumenter et discuter. Tu comprends, enfin voilà. Eh bien, on va laisser le mot de la fin au maréchal, hein, je pense. Ben, écoutez, merci déjà à tous d'avoir participé à ce débat. Encore une fois, deuxième édition, et voilà, très intéressant. Beaucoup de choses qui ont été dites, je trouve vraiment intéressantes. Pour ma part, moi, je ne suis pas aussi pessimiste que peut-être que certains. Au contraire, je crois qu'il y a un retour à la tradition en France. En tout cas, une chose positive, quoi, puisque le modernisme nous a tellement menés dans cette voie complètement folle, dans ces excès, que beaucoup de gens, ouvrent les yeux pour faire marche arrière. J'observe qu'il y a une recristianisation, par exemple, en France. Donc ça, c'est un point de la tradition. Et voilà, je suis plutôt optimiste, quoi. Voilà. Donc je finirai par cette touche d'optimisme. Et encore vraiment merci à tous d'avoir participé.